Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui on est nombreux. J'ai avec moi Laura, alias Combo. Oui, c'est ça, c'est moi. J'ai Nico, alias Sweep, qui continue à sortir des vidéos sur YouTube. Profitez-en avant sa panne sèche. Yo tout le monde. Et j'ai avec moi également Dorothy aka Baptiste, qui ne sort plus de vidéos sur YouTube. Bah, c'est compliqué, vu qu'on fait les vidéos à plusieurs et un temps confiné, c'est compliqué. Pareil, pour récupérer les dessins de mon illustrateur, c'est un peu compliqué. La prochaine vidéo est presque prête, faut juste que je la tourne, voilà. Mais c'est compliqué de tout se organiser. Comment elle peut être presque prête si tu l'as pas tournée? Bah, j'ai toutes les images que je vais mettre dedans, j'ai déjà tout le texte, j'ai tout. En fait, faut juste la tourner, quoi. Après, ouais. Quand je l'ai tournée, quoi, limite le lendemain, je peux la sortir. Ah, bah, avec le montage, quoi, mais... Oui, oui. Voilà, quoi. Du coup, elle est presque là, mais pas encore. Alors, est-ce que je peux te demander, parce que bon, vu que tu fais dans un instant de pub depuis 10 minutes, quel est le sujet de ta prochaine vidéo? Ce sera le manga Alice in Borderland. Je l'avais teasé sur Instagram. Et tu m'en avais parlé en plus. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va repartir sur une émission à sujet unique. J'ai l'impression que ça marche bien et que ça plaît beaucoup. Et je me suis dit, pour cette fin de confinement et peut-être ce prolongement de confinement ou de nouveau couvre-feu, enfin je sais pas qu'est-ce que le président va nous sortir la semaine prochaine, mais il va nous sortir quelque chose, je me suis dit que c'est quand même bien de se raccrocher à nos indispensables. À nos indispensables, que ça soit comics, manga, roman, film, série, jeux vidéo. Et voilà, et c'est pour ça que c'est le moment de faire un petit instant de pub pour nos indispensables à nous et de vous les faire partager. Donc on va parler de toutes les catégories que j'ai pu commencer à dire, et je vais commencer par les comics. Sans spoiler, Rambo et Dorothy, vous avez rien? Si, moi j'en ai un, j'ai quand même lu quelques comics, hein. j'ai pas rien lu. Donc j'en ai pris un qui me tenait vraiment à cœur et qui, pour moi, c'est un indispensable. Ben écoute, vas-y. Ben, j'ai commencé avec le tome Joker de Brian Azzarello et avec les illustrations de Liber Mejo, sorti le 18 février 2009. Et en fait, je trouve que ben, c'est un des comics qui m'a fait aimer les comics, en fait. Il y en a deux, j'ai hésité avec celui-là et Batman Silence, mais j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé les dessins incroyables et du coup, j'ai commencé ma collection de comics en prenant tous les tomes de Liber Mejo. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux peut-être nous résumer un peu, nous le pitcher, nous faire un petit résumé? Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais en gros, on suit l'histoire du coup de Joker, enfin, du Joker, qui sort d'Arkham, l'hôpital psychiatrique de Gotham City. Et il va se rendre compte que, bah, en fait, tous ses anciens compères l'ont délaissé et ont pris le contrôle de la ville qui a été avant sous son joug. Et il va essayer de se refaire sa place et son nom grâce à son assistant qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est son nom ou un truc comme... Je ne m'en souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Et du coup, tout le tome va avoir l'évolution du... Enfin, le retour du Joker dans la ville pour qu'il reprenne sa place de chef de la ville côté méchant. Et on voit aussi bah, sa folie. Et voilà. Quoi. Les dessins sont juste incroyables. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que vous l'avez lu, pour ceux qui lisent du comics sur le groupe. Nico? Moi, non. Par contre, Batman Silence, j'ai lu et c'est très bon. Mais Joker, non, je l'avais pas lu celui-là. Et alors, j'ai lu un autre comics fait par ce duo-là, qui était Lex Luthor, qui était extraordinaire, mais je n'ai pas lu Joker. Bah, je te le passerai après une fois qu'on se voit, parce que, voilà, indispensable. Écoute, vu la quantité de comics que je t'ai filé, j'accepte bien de te rempliquer. Ah, et franchement, il est pas gros en plus. Il fait 128 pages. Ça va. Et donc, du coup, Joker est disponible chez Urban Comics. Et bien sûr, c'est à acheter chez nos libraires indépendants. Nico, vas-y. Toi, dans toute ta collection, quelle est la pépite? Quel est ton indispensable? Je suis curieux quand même. Depuis que je t'ai parlé du thème... Ah non mais ça a été dur, c'était très dur, de toute façon tous les thèmes, il n'y a que le manga où c'était assez simple dans la sélection, J'ai trouvé, et je me suis même relu le tout début, qui était un des trucs les plus ouf, c'est le Hellblazer de Garth Ennis. Ah oh oui, c'est pas été... Ah oui, non mais oui, il est excellent, mais rien que le tout début, parce que du coup, on l'a chez Urban, si vous voulez le prendre, c'est en trois gros volumes. Et rien que le début du premier volume, où t'as justement Constantine qui développe le cancer et qui... T'as justement ce truc au départ, il cherche une solution, il s'accroche à n'importe quel truc, il n'y arrive pas à la fin. Et il se rend compte aussi qu'il perd tous ses amis, il a peur de la mort et il y a plein de choses. Et c'est excellent, je peux rien dire de plus. C'est là où j'ai pris le plus de kiff. Hier, j'ai commencé à le relire un peu, j'ai kiffé à mort, j'ai pu le temps passer. C'est génial et c'est ce qui m'a aussi en plus donné l'amour même de Hellblazer, en plus au-delà des comics. J'en lisais déjà avant, mais c'était un gros kiff. Mais là, j'ai kiffé Hellblazer grâce à lui, quoi. Alors, de mémoire, il y a Garth Ennis au scénario, mais il y a également Steve Dillon, non, qui est au dessin. Putain, il faudrait que j'aille le chercher pour te confirmer, mais je vais regarder. Alors, vas-y, donne ton truc et je répondrai après. Ok. Ça tombe bien que Nico soit pas là, parce que mon indispensable, il va me dire ah, ça m'étonne pas, t'es pervers et compagnie. Mais c'est un comics que j'adore. Que j'ai prêté à Rambo il y a quelques temps. Oui. C'est Sustone qui est pour moi un indispensable sur toute ma collection. En fait, je me dis que Sustone est peut-être une des seules séries que je pourrais me relire avec grand plaisir. Donc, c'est une série scénarisée et dessinée par Stéphane Sechiche, qui est. Je ne sais plus de quelle nationalité il est, mais c'est un Européen du Nord. Laissez-moi deviner, il a dit Sustone ? Tout à fait. Ouais, non, mais j'ai compris Stéphane, qui est un artiste fabuleux, qui a d'ailleurs fait un tome génial de Harleen. Et donc, forcément, s'il parle de lui, j'étais sûr que ça allait être son style. Donc, bon, il est croate. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est un Européen. Et voilà, cette histoire, c'est l'histoire d'amour assez mature de BDSM. Entre deux lesbiennes. Les choses ne sont pas tirées par les cheveux. On n'est pas du manga ou pire du Fifty Shades of Grey où c'est complètement exagéré. C'est une histoire de BDSM qui se transforme peu à peu en histoire d'amour et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est toujours trouvable chez Panini Comics à 18 euros pour le premier tome et je crois qu'il y en a 5 ou 6 au total. Par curiosité, tu as commencé à les lire ou pas, Laura ? Alors, je t'avoue que non. Parce que j'ai eu beaucoup de choses et j'ai un peu mis de côté. Mais t'inquiète pas, après le confinement, ça sera lu. Et donc, du coup, Nico, est-ce que tu as réussi à rattraper ton... ton comics, pardon, excuse-moi. Oui, je te confirme, c'est bien Steve Dillon qui est au dessin. Et alors, moi, j'ai juste une question. C'est fait exprès le jeu de mots de tirer par les cheveux pour parler de BDSM, quand même? Écoute, j'avais pas fait attention, mais on va dire qu'avec mon tact naturel brille et que vu que je suis très brillant, j'ai envie de te dire oui, mais bon. Ouais, voilà. Je l'avais entendu, mais j'ai rien dit parce que je me suis dit, s'il faut, c'est pas fait exprès, je passe pour un gros parrain. Surtout qu'en fait, il dit, c'est pas tiré par les cheveux pour parler BDSM avec un doyeux. Je me suis dit, attends, il y a un souci dans ce qu'il dit quand même, mais. Bon, voilà. Bref, passons à la suite. Eh bien, écoute, alors juste pour remettre un dernier petit mot sur ton comics, après on passe au niveau de la catégorie manga. Steve Dillon et Garth Ennis avaient déjà travaillé ensemble sur Preacher et c'était également extraordinaire, mais bon, c'est pas un indispensable. C'est compliqué. J'ai toute la collection, j'ai kiffé, mais bon, pour moi, l'indispensable, ça reste Sunstone. Petite question pour Sunstone. Est-ce que par hasard, tu n'avais pas dit que c'était le manga que tu voulais sauver si ta maison a brûlé ? Sur le Instagram de BD Fugue Café de Toulouse. Monsieur a regardé l'Instagram de BD Fugue. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu la notification. J'ai screen parce que je ne connaissais pas le comics. Et maintenant, peut-être que tu en as parlé. En fait, j'ai cherché dans mes screens. Du coup, j'ai vu que c'était toi qui l'avais mis sur l'Instagram. Du coup, ok. Alors oui, je reconnais et peut-être que cette émission est inspirée par ce qu'avait fait BD Fugue. Donc je les salue. Après tout, on les a eus en podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, passons à la suite, à moins que vous avez encore une réflexion à me faire entre BD Fugue et tiré par les cheveux. Ça ira. Non, ça ira, je pense. Allez, maintenant c'est quel heure, on passe au niveau des mangas et honneur aux dames. Yes, merci. Du coup, moi, j'ai choisi, difficilement choisi, mais finalement, ça a été mon gros coup de cœur et c'est un indispensable, Bestiarus donc aux éditions Kazé. Donc c'est, je sais pas si vous voyez, c'est l'histoire en fait, on est juste après Jésus-Christ dans l'Empire romain où les légions se battent contre les créatures mythologiques. Et en fait, ça me fait penser clairement au film Gladiator, mais en beaucoup plus poussé, avec des images de dingue, une histoire de dingue. Enfin, voilà, ça a vraiment été un gros coup de cœur et c'est un manga que je conseille. Il est qu'en 7 tomes en plus. Donc, les tomes sont assez courts, l'histoire est bien menée, tous les personnages sont reliés. Et c'est franchement, voilà. Ça a été mon choix. Et alors, je crois que j'ai le premier tome que j'ai vu il y a quelques temps sur Isneo, mais je ne l'ai toujours pas lu et toujours pas téléchargé. Mais honnêtement, moi, ça a toujours une histoire qui m'avait tenté. Et je pense que maintenant, je vais faire l'effort de le télécharger et de le lire. Bah, moi aussi, vas-y, Laura. Non, c'est bon, vas-y. Ah oui, non, mais j'allais dire pareil que j'ai fait. Moi, personnellement, j'avais lu le premier tome, j'avais vraiment kiffé. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, ils ont sorti, je crois, un coffret prestige avec tous les tomes dedans. Oui. Qui est vraiment, vraiment genre, classe. J'ai envie de mourir. Il est vraiment ultra classe. Et chaque fois que je le vois, je me dis, ah, faudrait vraiment que je la commence. La série, les dessins sont beaux, le thème, elle a vraiment l'air cool. Mais ouais, c'est pareil, ça a vraiment l'air très, très classe. C'est super classe. J'entends qu'il y en a un qui saoule ma gueule, c'est Nicolas derrière. Mais oui, mais parce que le coffret, je sais que t'es d'accord de l'avoir raté. Donc quand il s'est mis à parler du coffret, je lui dis, mais ne dis pas ça, Dorothy, ne dis pas ça. Tu réveilles le mal en disant ça. Je le voulais tellement. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Allez, vas-y, Nico, annonce-nous Berserk. Tu vas être déçu, mais non. Je ne suis pas Adrien. Je voulais qu'Adrien soit là pour qu'il fasse « Oh, Berserk, c'est tellement bien !» Mais moi, non, j'ai trouvé un truc qui surpasse Berserk à mes yeux, et c'est Billy Bat de Naoki Urasawa. J'avais un doute. Honnêtement, avec ton post Twitter, je mettais quand même une grosse pièce sur Berserk. Tu m'as déçu, mais vas-y, continue. Mais Billy Bat, c'est énormément de choses. Même à résumer, c'est le bordel tellement il se passe beaucoup de choses. On est un peu dans un monde comme le nôtre, c'est quasiment le nôtre, sauf qu'il y a certaines choses qui changent. Et on commence avec donc Kevin Yagamata, qui est donc le dessinateur de Billy Bat. Et alors qu'il dessine cette BD, il a Chuck Culkin qui est son assistant à côté et tout. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui dit bah, « Tiens, c'est bizarre, il se ressemble à votre chauve-souris, je l'ai déjà vu quelque part au Japon et tout. » Et Kevin dit « C'est pas possible, c'est moi qui l'ai créé. » Et donc du coup, il se pose des questions, il va au Japon, et effectivement, il retrouve ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un culte de la chauve-souris. Il y a énormément de choses, et avec le temps, Billy Bat, la chauve-souris qui dessine, va se mettre à lui parler, et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une intrigue par rapport à tout ça, que justement, la chauve-souris est une chose présente depuis la nuit des temps. On la revoit, par exemple, dans les premiers tomes, en train, c'est elle, c'est la chauve-souris, par exemple, qui va dire à Judas de trahir Jésus, parce que pour faire avancer l'histoire dans tel sens et tout. Donc c'est un être qui a conscience de toute l'histoire et qui guide, ou justement qui ne guide pas les gens, parce qu'il y a en fait deux phases de chauve-souris et tout. Et donc on a des intrigues à travers le temps, on a plusieurs choses, on a plusieurs dessinateurs, parce que le premier protagoniste c'est Kevin Yagamata, après on passe à un autre qui est Kevin Goodman, et il y a toujours ce truc, il y a Chuck Culkin qui était l'assistant, qui avec le temps, alors que Kevin a disparu et est parti au Japon, a créé son Billy Bat, qui est pour certains le Billy Bat officiel, et en fait un peu à la Disney, à créer ses parcs et tout, et c'est tout un tas d'intrigues dans tous les sens, et c'est juste génial. C'est là où j'ai pris le plus grand kiff, où j'ai vraiment dévoré les tomes, et c'est vraiment... Et le truc qui est bizarre, c'est que, contrairement à Berserk, il y a pas mal d'action, et je kiffe les trucs d'action, là, c'est tout du récit, de l'intrigue et tout, mais c'est bien mené, chaque élément présenté, vu qu'on avance pas mal dans le temps, chaque truc présenté sera toujours utile, parce qu'au final, on y reviendra plus tard et tout, donc c'est pour moi... une pépite, et Naoki Urasawa qui est mon mangaka préféré. Pour beaucoup, 20th Century Boys, je ne l'ai pas fini, mais entre ça et Monster, c'est ces deux grosses œuvres. Pour moi, actuellement, Billy Bat au moins dépasse Monster, et j'attends de pouvoir comparer plus tard avec les 20th Century Boys. Alors, Billy Bat, c'est publié chez qui en France? C'est Pika Edition. Et pour combien de tomes? 20 tomes, people. Ok, ben, t'as tout dit. Alors après, honnêtement, je connais ce mangaka de nom. Je crois que tu étais avec moi quand on avait fait l'expo Monster à Angoulême. C'était avec toi ou avec Adrien? Je crois que ça va être avec Adri, ça ne me dit rien du tout. Donc, non, c'était avec Adri. C'est vrai que l'expo était magnifique, il est très magnifique et ça m'avait donné envie de lire Monster, mais je n'ai pas encore sauté le pas. Il va falloir que je le fasse très bien. Ah, sinon, je les ai, si tu veux, je te les passerai. Pourquoi pas? Ça m'évite de rajouter des mangas dans mes bibliothèques qui sont pleines à craquer. Allez, vas-y, Dorothy, c'est à toi pour nous exposer ton manga favori. Enfin, pour ton moi, indispensable. Mon indispensable dans une collection de mangas, pour moi, c'est Full Metal Alchemist. Mmh. Oh, bien sûr. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de le présenter vraiment? Bon. Ben, vas-y, présente, parce que je ne l'ai toujours pas lu et je n'ai toujours pas vu d'animé. Et ouais, je sais. Je lis des mangas depuis des années et je suis passé. Surtout que je les ai tous en plus. Je les ai passés à Greg, je peux te les passer après. Attends, Greg ne les avait pas lus. Enfin bref, là on rentre. Non, bref, ouais, alors, ouais. Privé, on va éviter de le mettre dans le plein milieu du podcast quand il ne peut pas répondre, le pauvre. Mais vas-y, raconte-nous un peu Full Metal Alchemist. Bon, je vais essayer de résumer assez rapidement pour que ça dure trop longtemps. Mais nous allons suivre les aventures de deux frères, donc Edouard Elric et Alphonse Elric, qui sont des alchimistes. Donc en gros, ils peuvent transformer la matière en autre chose, mais ils doivent respecter des règles, la règle d'équivalence. Rentrer dans les détails. Et étant jeunes, ils veulent ressusciter leur mère qui a disparu. Donc, c'était l'un des plus grands interdits de l'alchimie. Ça rate. Alphonse, le petit frère, son corps disparaît et Edouard, il perd sa jambe droite, si je dis pas de bêtises, ou sa jambe gauche, bon, on s'en fout. Jambe gauche, et bras droit. Jambe gauche, merci. Il perd sa jambe gauche. En se rendant compte de ce qu'il a fait, donc n'ayant pas réussi à ressusciter sa mère et il a perdu son frère, il décide de essayer de récupérer l'âme de son frère en sacrifiant son bras droit et la fixer à une armure. Donc il va se faire greffer par la suite un bras et une jambe mécanique. Et ensemble, ils vont devoir explorer le monde pour essayer de trouver une solution pour retrouver leur corps d'origine. Donc tous leurs espoirs vont se reposer sur la pierre philosophale. Et du coup, pour avoir accès à un plus grand nombre plus de recherches, etc., le grand frère Ed va même rejoindre les alchimistes d'État, donc les alchimistes qui sont au service de l'armée. Voilà, c'est en 27 tomes publiés chez Kurokawa. Kurokawa, merci. Et actuellement, tu as les Perfect Editions qui sont magnifiques. C'est ça, voilà. Elles sont sublimes. Mais écoute, j'aime pas trop. Moi, je préfère les formats de classique. Après, c'est plus agréable, bien sûr. Ouais, après j'aime pas trop comment c'est coupé les formats les prestiges. C'est pas des doubles tomes, c'est des un tome et demi. Oui, ouais, je peux comprendre ce blocage en fait. Après, la qualité est top quand même. Voilà, c'est ça. Moi, je les ai déjà, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt. Mmh. Mais je sais que pour quelqu'un d'autre qui voudrait se faire la collection, c'est clair que les prestiges, ça vaut carrément le coup. Oui. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'un de mes mangas indispensables parce que c'est un shonen, mais il y a des passages très sérieux. L'histoire dans sa globalité est belle, super bien dessinée. Déjà, à mes yeux, c'est un shonen qui n'est pas shonen. Quand tu vois que ça parle de génocide et tout ça, c'est tellement dur, tellement profond, tellement... T'es en train de dire, est-ce que c'est vraiment pour des gosses, quoi? C'est ça. Mais justement, j'avais préparé ma prochaine vidéo, enfin la prochaine, ça sera sur Full Metal Alchemist, c'est ce que j'allais dire, quoi. C'est un shonen qui... Enfin, c'est classifié shonen, mais c'est pas un shonen pour moi. Je te rejoins. Je pense qu'un jour, on va pouvoir faire un podcast sur la classification des mangas parce que c'est vrai que... Je suis totalement d'accord. Moi aussi. Parce que vu qu'on parle un peu, si on doit parler légèrement d'actualité, la classification en jeunesse de Asadora, qui est un seinen, t'es en train de te poser des questions sur la classification entre France et Japon. Comment on réfléchit au truc, quoi? On peut parler de plein de choses. On peut parler également de Nana qui est classifiée en tant que shoujo alors que c'est un josei, quoi, de base. Et l'histoire est un peu plus et pas forcément fait pour les petites filles. C'est vrai. Ouais. Du coup, Geoffrey, est-ce que ça donnait envie de lire ce manga que tu n'as toujours pas lu? C'est inadmissible. Non, mais tu sais que je n'aurais jamais cru entendre de ma vie quelqu'un dire « Vas-y, raconte-moi Full Metal Alchemist ». Jeff nous offre des pépites ce soir, j'ai l'impression. Oh, ben voilà. Moi, maintenant, j'offre des pépites. Ah, c'est ma fête ce soir, ce que je remarque. Hein. C'est quand même deux indispensables que je t'ai dit, t'en as lu aucun des deux. J'espère que sur tout ce qu'on a fait, t'auras vu ou joué à des jeux que je vais dire. Alors, Full Metal Alchemist. Alors, pour info, j'ai le premier tome chez moi, d'accord? J'ai le premier tome en japonais, donc j'ai pas pu le lire. Il prend la poussière, quoi. Ouais, c'est une excuse, ça. Tu fais pas d'effort. Honnêtement, le jour où je saurais lire le japonais, ça serait le premier manga que je lirais, promis. Mais voilà. Après, oui, bien sûr, une fois que notre ami en commun aura terminé les Full Metal, je te prendrai bien les Full Metal et les Alice Borderland également. Ça marche. Du coup, pour toi, Geoffrey, c'est quoi l'indispensable? C'est une excellente question. J'ai très longtemps hésité parce que je me suis remis au manga il y a un peu plus d'un an maintenant, de manière exagérée et à fond. Parce que je m'étais un peu remis grâce à Food Wars. Mais c'est pour ça que j'avais hésité de le mettre en indispensable, mais ce ne sera pas mon indispensable, ça sera un autre manga qui est publié chez Tonkam. Pour moi, mon indispensable, c'est Love XDMA. Putain, j'en étais sûr, j'aurais dû parier, quoi. J'en étais sûr, j'étais dit, il va nous le sortir, et oui. Eh bien oui, mais écoute, c'est un shonen, encore une fois. Où en fait on apprend l'histoire, on suit l'histoire de Natsuo Fuji qui est un lycéen ordinaire qui a sa mère qui est décédée. Son rêve c'est de devenir écrivain. Il bade sur sa prof d'anglais qui s'appelle Ina Takibana. Et un jour pour tenter d'oublier sa prof d'anglais, il se tape une connaissance qui s'appelle, qui sait même pas comment il s'appelle, je crois. Je crois pas qu'il sait, qu'il connaît son nom. Et non, il le sait pas. Et il se tape, on peut le dire, hein, une nana qui est associable. Et deux, trois jours plus tard, il y a son père qui lui dit, tiens, je vais me trouver une nouvelle copine et tout. J'ai une nouvelle copine, est-ce que je peux l'inviter à manger? Et le fils dit, ouais, maman est décédée depuis un petit moment. Et là, bah, tant mieux, elle vient ce soir avec ses deux filles. Et on voit que ses deux filles, c'est la prof d'anglais, donc Ina Takibana, et la fille qui s'est tapée, qui s'appelle Rui Takibana. Et c'est un manga qui est en 28 tomes au Japon, qui est une série terminée, qui s'est terminée en juin 2020. Je les suis en France, malgré que Tonkam ne sort pas rapidement. Il paraît que la fin est très pourrie, mais pour le moment, j'adore. Et c'est un des mangas que j'attends le plus. Et voilà. Et c'est pareil pour ma femme, qui a découvert l'anime qui s'appelait Domestic Girlfriend. Et on attend ça avec grande impatience. Le prochain tome sort en fin janvier 2021. Pour te dire que je l'ai dans la tête, c'est que je l'attends vraiment avec grande impatience. Et ça fait partie de cette catégorie de harem au Japon qui passe bien, qui est drôle, mais également qui est une véritable histoire d'amour entre Natsuo et Ina, et l'anime le montre parfaitement bien sur les deux derniers épisodes qui sont juste extraordinaires. Donc oui, voilà, je l'ai mis, je suis prévisible pour le moment, mais j'espère te surprendre bien. Ah non, mais après, je te taquine, mais moi, j'ai vu l'anime est génial. Donc, je comprends, j'ai pas lu le manga, mais le manga doit être vraiment excellent aussi, quoi. Alors, le manga te détaille beaucoup plus et prend beaucoup plus de temps pour poser les choses. Et sur l'anime, tu rencontres rapidement le pote américain un peu boulé, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais je vois. Et en fait, tu apprends que lors du voyage scolaire à Okinawa, je crois, il tente de violer Rui Takibana. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans l'anime, mais dans le manga, forcément, ils en parlent et ça rend un petit côté intéressant qu'il n'y a pas. Et ouais, c'est mon indispensable. Et pourtant, j'ai plein de séries intéressantes, beaucoup plus classiques que celles-là dans ma collection. Mais je trouve que le choix des indispensables à faire, c'est justement essayer de sortir un peu de la norme. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être fun de tenter une émission comme ça. Ouais. Allez, on va passer maintenant dans les romans, parce qu'on ne parle pas beaucoup de romans ici. Je crois que la seule fois qu'on en a parlé sur le débat comique, c'était avec toi, Laura. Et ben, du coup, je te laisse nous raconter ton indispensable en roman. Est-ce que c'est la légende de Moon Yi par hasard? Non, je n'ai pas pris le mien. Parce que bon, déjà, ça ne se fait pas trop, tu vois. Non, mais c'est je plaisante. voilà. Mais j'ai galéré. J'ai vraiment, vraiment galéré à trouver le roman indispensable parce que bah, j'en lis énormément des romans. J'en lis un actuellement qui est top, mais je ne l'ai pas fini, donc j'avais pas en parler. Du coup, j'ai fait mon choix sur un policier qui s'appelle « Tout le monde te haïra » d'Alexis Obenck. Donc déjà, Alexis Obenck, c'est un auteur qui est connu, qui a fait « Rival Falls ». Donc pareil, c'est une série américaine du coup, si je ne dis pas de bêtises. Donc thriller policier. Et donc Tout le monde taillera, c'est une histoire qui va se passer en Alaska avec la disparition d'une femme en fait, et sa sœur va savoir ce qui s'est passé tout simplement. Mais donc je passe les détails, mais ce qui est bien dans ce livre en fait, dans ce policier, bon déjà c'est le détail des paysages. Franchement, j'ai l'impression d'être en Alaska. Je l'ai lu 5 fois ce livre, je m'en lasserai jamais, et il est pas connu, donc je me suis dit c'est tellement dommage. Mais on a aussi ce côté passé en fait, avec un navire nazi qui s'est retrouvé coincé dans la glace en Alaska. Donc on a ce 20e siècle, enfin on a l'ère moderne 2000, et ça se passe quoi, hein, 2012 à peu près. Et après on revient à l'époque des nazis, et c'est ce contraste qui est juste génial en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais franchement pour moi c'est indispensable. La lecture est hyper simple, hyper fluide. Les personnages, il n'y en a pas tant que ça, donc on les voit facilement et l'histoire est vraiment, vraiment bien menée. Chaque fois, on est là en mode « Ah, je suis sûre qu'il va se passer ça !» Et en fait, non, il ne se passe pas du tout ça. Ça rebondit toujours sur une nouvelle enquête et c'est juste top. Je le conseille. Et alors, la maison d'édition, moi, personnellement, je l'ai acheté à France Loisirs. Donc, je ne sais pas quelle est la maison d'édition de base. Mais voilà. Ben écoute, je connaissais pas, je lis pas beaucoup de romans, mais ça pourrait me laisser me tenter tranquillement. C'est un petit truc un peu trash, ouais. Ah ouais, moi ça me dérange pas. C'est vrai que ça a l'air cool. Hein. Je connaissais pas du tout aussi, mais ça a vraiment l'air bien. Après, ouais, franchement, c'est vraiment top. Après, il y a vraiment beaucoup de détails. C'est simple, mais c'est aussi quand même âme sensible, ça se tenir, quoi. Eh ben écoute, en parlant d'âme sensible, on va passer à Nico. Dis-moi, c'est quoi ça veut dire quoi ça? Écoute, je me suis dit, il faut que je trouve une transition, et puis ça arrivait comme ça. Et je me suis dit, soyons fous, t'entends le coup. Donc, ouais, Nico, dis-moi, t'en indispensable en roman? Ben, moi, je lis pas de roman. Un des derniers que j'ai lu et que j'ai adoré, et c'est tout con, mais c'est Le Hobbit de Tolkien. Est-ce qu'il y a besoin de le résumer? Je ne pense pas. Vas-y, pour ceux qui n'ont pas vu la trilogie et ceux qui n'ont pas lu le roman ou le livre audio ou le jeu de rôle ou le jeu vidéo, enfin vas-y quoi. Ben, alors tout simple, c'est l'histoire donc de Bilbon Sacquet qui est tranquille chez lui, et donc il y a Gandalf qui va un peu le bloquer pour l'amener en aventure, où donc on a une compagnie de nains qui arrive chez Bilbon, qui commence donc à lui parler d'aventure et tout ça, chanter des chansons et tout. Et sauf que Bilbon, c'est un hobbit, les hobbits ça voyage pas, sauf que, bon, après on rentre dans la mythologie et tout, sauf qu'en fait Bilbon, voilà, il a du sang, je crois qu'une de ses mères est une fée ou des trucs comme ça. Bref, il part à l'aventure avec les nains, et le but en fait c'est d'aller jusqu'au... Merde, c'est quoi déjà? C'est quelle montagne? C'est quoi déjà la cité des nains? Erebor. C'est Erebor. Voilà, oh, il doit aller jusqu'à Erebor, sauf que récupérer donc la cité naine, sauf qu'à l'intérieur se cache un dragon, Smaug. Voilà, en résumé. Est-ce que ça valait le coup d'en faire 3 films? Ah non, clairement pas. Franchement, allez, un film, peut-être ça faisait un peu chaud, mais bien que j'ai remarqué qu'en lisant le livre, qu'ils ont rajouté pas mal de choses dans les films, mais en deux, ça passait très bien, quoi. Quand tu regardes, franchement, le dernier film, c'est 20, je crois que c'est 20 pages presque, 30 pages dans le livre, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Et je me souviens d'être sorti de cette séance de cinéma et que j'ai entendu quelqu'un qui avait dit « Je trouve que dans ce film, il n'y avait pas assez d'action. » Il n'y avait que ça. J'ai pas vu le film, mais on m'a dit qu'il n'y avait que des scènes d'action. J'étais en mode « Bon, pas trop envie, quoi. » Ouais, non, mais c'est évitable. Vas-y, est-ce que tu as un roman, un indispensable pour toi? Bon, j'ai pas lu beaucoup de romans, donc j'avais le choix entre l'Iliade ou Le Sorceleur. Mais je pense que l'Iliade, c'est trop un classique pour dire que c'est indispensable. Donc moi, ça sera la série du Sorceleur, donc The Witcher. Voilà. Tu l'as lu ou tu l'as écouté en livre audio? J'ai lu le premier tome, les premières nouvelles en format papier, et après je suis passé sur les livres audio. C'est ce que je suis actuellement en train d'écouter quand je travaille ou quand j'ai du temps de libre. L'histoire, je la résume rapidement. Nous allons suivre du coup les aventures de Geralt de Rive, un sorceleur dans la version française. C'est un chasseur de monstres entraîné pour faire ça depuis sa plus jeune enfance. Il est génétiquement modifié, donc il a les sens développés, il est plus rapide que les humains. Et au début, donc, les deux premiers tomes, c'est des nouvelles. Nous allons suivre les aventures de Geralt à travers le monde. Donc monde médiéval fantastique, et il va faire des chasses aux monstres, et il va rapidement être confronté à la destinée, car il va devoir accueillir et s'occuper d'une enfant, Ciri, et du coup qui est destinée à un destin royal, et elle préfère être sorceleur avec lui. Très brièvement, c'est très très mal résumé, parce que je suis voilà, mais c'est vraiment vraiment sympa à lire ou à écouter. Ça se lit très bien, ça s'écoute très bien, et ben ça c'est vraiment bon. Hein. C'est ça traduit du polonais de Andrzej Sapkowski. Hein. Ouais, c'est ça. C'est hyper dur à dire. Voilà, donc, il y a un total de 8 tomes, mais il y en a un, je crois que c'est un hors série. Et les deux premiers tomes, c'est des nouvelles un peu indépendantes, sans de suite dans la chronologie, mais avec un fil rouge dans les deux premiers tomes. Alors j'ai commencé à écouter le premier tome en livre audio, je ne l'ai pas terminé. Laura, est-ce que toi, tu les as lus ? De quoi, les sorceleurs ? Les sorceleurs, ouais. Alors, non. Enfin, j'ai les deux premiers tomes, mais de la version Bragelonne Star. De Bragelonne, en fait. La maison d'édition Bragelonne. Vous savez, c'est les couvertures en simili-cuir là, qui sont vraiment belles, mais ils ont arrêté de les faire. Ouais. Je suis déçue, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je pense que ça ne marchait pas, ça a été réédité par Milady. Milady, je crois que ça appartient à Bragelonne. Oui, ça appartient à Bragelonne. Oui, tout à fait. Ils en ont beaucoup au Bragelonne, hein, en petite émission d'édition. Il hein, ne faut pas croire. Et en fait, non, je ne les ai pas lus. Voilà. Okay. J'ai commencé. Nico, je ne te pose pas la question. Si toi, tu vas nous parler de la série ou de Witcher. Oui, non, mais en 2021, peut-être que je les lirai. Je verrai. Et c'est marqué sur ta résolution pour le nouvel an ? Non, je sais juste que je vais les ouvrir et que je vais en profiter pour les piquer plus tard. Après, ouais, ça a l'air vraiment top. Hein. Ouais, franchement, ça se lit trop bien. Vraiment. Enfin, ça se lit ou ça s'écoute hyper bien, quoi. Ouais, c'est assez fluide. C'est pas du ouais. brut comme George ouais. Martin ou d'autres, quoi. Mais non, c'est vraiment coupé en chapitres. Des fois, les chapitres sont assez irréguliers en taille. Des fois, tu as des chapitres qui vont faire 50 pages, tu vois, quand tu as vraiment un truc à dire, voilà. Ou alors, tu as des chapitres qui vont faire même pas 15 pages, parce que c'est une transition entre deux déplacements d'une zone à l'autre, ou c'est plus sur un personnage secondaire qui est intervenu, sur ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait avant, tu vois, un peu origin story. Et okay, après, ouais, ça reprend l'histoire cool, principale. Ouais, il y a une petite coupure, quoi, pour respirer. Ouais, voilà, ouais. C'est vraiment simple à dire. Moi, tu vois, j'ai pas beaucoup de romans parce que je prends pas le temps. Là. Et le premier tome, je crois que je l'ai dévoré en 2-3 jours, je crois. Ah oui, ça va. Et du coup, là, j'aurais bien voulu continuer, mais c'est un peu compliqué avec le taf et tout. Mais je peux les mettre en livre audio quand je travaille. Donc, pareil, le livre audio, c'est à coup de entre 12 et 20 heures, tu vois. Et ça passe tout seul, quoi. Ok, ouais, c'est cool. Ça. Et alors, moi, là, je suis en train de réfléchir. Enfin, j'avais une idée, mais d'un indispensable, parce que bon... Star Wars. Attends deux secondes, s'il te plaît. Je suis un ancien grand lecteur. À l'époque, quand j'étais au collège, pendant mes grandes vacances, je me lisais un tome d'un roman par jour. Donc, je lisais énormément. Et depuis que je suis tombé dans les comics et les mangas, je ne lis quasiment plus aucun roman, sauf que de temps en temps, il y a certaines choses qui pop dans la nature et que je lis et que je prends énormément de plaisir. Mes deux dernières lectures, j'avais tenté de lire Les Contes Interdits, ça ne m'avait pas du tout plu. J'ai lu La Légende de Mouni, qu'on a déjà discuté plusieurs fois ici, donc je ne vais pas revenir dessus. Et malheureusement, non, ça ne fait pas partie de l'indispensable. Après, j'ai lu énormément de Star Wars, comme disait Nico. J'ai lu aussi des romans de fantastique comme Le Trône de Fer, on va le sortir en français, qui est imbuvable. Soyons honnêtes là-dessus. J'ai lu du Tolkien qui est un peu moins imbuvable que Martine, dont le Silmarillion, que j'ai trouvé ça beaucoup plus simple à lire que le Trône de Fer. Mais non, j'ai décidé comme indispensable de vous parler d'un roman de science-fiction écrit par David Weber, qui est sorti aux États-Unis, où il y a Mathusalem, qui est sorti aux États-Unis en 1993 et qui a été traduit pour la première fois en France en 1999 chez l'éditeur Atalante. Je vais vous parler de Honor Harrington, le tome 1, donc Mission Basilique. Grosso modo, ça parle de la jeune Honor Harrington qui vient d'être promue commandant de son premier vaisseau, l'Intrépide, qui est un vaisseau de guerre d'un royaume qui s'appelle Manticore. Hélas, alors que les perspectives les plus brillantes s'offrent à elle, ses manœuvres spatiales audacieuses lui mettent à dos un amiral et sa récente promotion est un peu mise au placard. Est affectée dans un petit système un peu pourri qui s'appelle Basilic, mais ça reste quand même un système assez important parce que c'est un nœud de transit important, mais quand même dénué de tout intérêt stratégique et du moins en apparence, parce qu'il y a un état rival qui va tenter d'envahir Manticore et Honor Harrington, sans appui tactique ni logistique, elle seule va tenter de s'y opposer avec son équipage. Et c'est un bon roman qui doit faire 500 petites pages, je crois, qui résume très bien la chose et qui est assez précurseur de l'époque, parce qu'il fait très Me Too de voir une commandante qui, en plus de ses manœuvres audacieuses, qui a été abusée sexuellement au moment de l'académie. On la voit commandante, on la voit se reconstruire, on la voit se faire bâcher par ses hommes, mais malgré tout ça, elle arrive à gagner leur respect, et c'est quelque chose qui est très bien. Et elle est toujours accompagnée de son chat qui doit faire un mètre de long et qui s'appelle Nimitz de mémoire, et qu'elle a toujours au niveau de son épaule. Donc non, Nico, cette fois-ci, t'as pas deviné. C'est pas du Star Wars. Est-ce que ça vous tente ce que je vous ai lu ou pas ? Ça a l'air très bien, mais moi je suis pas trop SF après. Mais l'histoire a vraiment l'air cool après. Et voilà, je suis toujours incompris, fan de SF. Et il en faut. Il y a pas début, c'est pour ça. Et ouais, je pense que Nebul, je crois que Nebul a peut-être lu en plus. Je mettrai pas une pièce dessus, mais je crois quand même. Bon, c'est pas grave. Après ce cuisant échec, mais j'ai réussi à déjouer les pronostics de Nico. On va passer au niveau du cinéma avec le film indispensable. Et ben, vas-y, Rambo. Sors-nous Rocky ou Rambo. Justement, je savais que tu t'attendais à ça. Et ben tu vois, ça ne sera pas Rambo, même si c'est mon film préféré. J'ai décidé de choisir pour moi un indispensable que je pense tout le monde aime. Alors ceux qui l'ont pas vu, c'est qu'on fout le métal à la chimiste. Je ne vois pas trop venir, tu vois. J'ai choisi Le Dernier Samouraï. Je vous connais tous, rassurez-moi. Je connais, mais je ne l'ai pas vu. Non. Non. C'est impossible. Non, mais je connais l'histoire, la vraie histoire par rapport aux générations. L'Américain qui devient, en gros, prisonnier des Japonais, mais qui finalement se retourne dans le camp des Japonais contre son propre clan. C'est pour moi Le Dernier Samouraï, que ce soit l'histoire, les acteurs, déjà le pays, le Japon que j'adore, mais les musiques, c'est Hans Zimmer, s'il vous plaît. Et tout ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, pour ça, j'ai choisi Le Dernier Samouraï et pas Rambo. Je pourrais parler de Rambo tous les jours, c'est un film que je connais par cœur, mais pour moi, c'est un film que je pense au niveau des émotions, au niveau de l'action, au niveau des plans, des paysages. Et encore une fois, la musique, c'est vraiment un coup de foudre. Et voilà, pour moi, c'est un film qui se regarde sans jamais se lasser. Voilà. Il faut savoir que ça s'inspire d'une histoire réelle. Oui, en plus. Voilà, c'est Jules Brunet, je crois, Le Dernier Samouraï, sur son bon. Je m'en souviens plus, mais ouais. J'ai pas vu le film, mais je connais l'histoire, voilà. Il y a même une histoire par rapport à ça. Il y a le tout premier samouraï étranger qui a été fait était un esclave noir à l'époque. Oh, et oui. Vu qu'il était noir et musclé et tout, ça a intrigué un seigneur justement au Japon, et qui du coup, en fait, à la place d'en faire un esclave, l'a éduqué et tout, et l'a formé, donc c'était le premier samouraï étranger. Et du coup, j'ai regardé sur internet, et du coup, ben, Jules Brunier, le dernier vrai samouraï, ben, en fait, il était français. Enfin, oh, c'est beau ça. Et voilà. Merde, on veut notre version. C'est voilà, ça. C'est ça. Et on prend qui comme, comme rôle titre, tu fais des titres, du coup. Tu le vends en français, tu choisirais qui, Michael Young? Pourquoi tu veux en faire un guignol? J'en sais rien, j'en sais rien. Ah non, non, non, mais moi j'ai mon acteur français phare maintenant, moi c'est Alban Lenoir. Donc je veux lui. D'accord. Donc ouais, non, le dernier samouraï est quand même très connu. C'est pas bien, Dorothy, c'est pas bien. Honnêtement, tous les indispensables, moi je les ai vus ou je les ai lus. Hein. Tout à fait, c'est pas bien. Comme tu as déjà fait avec Full Metal, quoi. Va falloir que tu le regardes. Et je crois qu'il est disponible sur Netflix. Ouais. Je crois que je l'ai en DVD en le pire. Oh, mais en plus, mais attends, qu'est-ce que tu attends là? Vas-y. Bon, mais bonne soirée, j'y vais. Alors, pour compléter vite fait les informations, parce que c'est toujours bien, un peu de stats et compagnie, le film est sorti, que je dis pas de bêtises, en 2003. Il a eu quelques récompenses, dont quelques Satellite Awards, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur montage, meilleure musique, et également un Award of the Japanese Academy 2005 pour le meilleur film étranger. Ça m'étonne pas. Et c'est classe, okay. Ça, quand même. J'avoue, c'est classe. Ouais. Et bon, il a eu quelques nominations aux Oscars, mais il n'en a pas eu, pareil pour les Golden Globes et compagnie. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est peut-être à cause de la petite polémique qui tournait autour, le fait que ça faisait de la pub à Scientology et compagnie. Enfin, bref. Ouais, ouais. Bref. Hein. Passons à Nico et son étude très sérieuse sur la Scientology, d'ailleurs. C'est... Non. Putain, les transitions là, pour Nico sont dures. C'est clair, j'y connais rien à la Scientology en plus, moi. Donc, tu as de l'argent, ça va, et tu connaîtras. Ouais, ben, j'en aurai jamais, donc je connaîtrai pas. alors, moi, je crois que c'était un des choix les plus durs films, parce que j'adore le cinéma et tout. Et mon grand combat était entre deux grands réalisateurs qui étaient Nolan et Shyamalan. Donc, au départ, j'hésitais, j'avais envie de mettre Le Prestige, qui est un film excellent. Mais au final, j'ai décidé d'en mettre un qui est archi connu mais que j'adore et que je ne me lasse pas, qui est Le Sixième Sens. Assurément, vous connaissez. Oui, bien sûr. Ah. C'est un spoil, mais ça ne se fait pas. Oui, non, celui-là, il ne faut pas le dire. Bah, c'est comme le mien, il y a un spoil aussi, il ne faut pas le dire. Mais non, donc... du coup, je n'ai pas vu Le Sixième Sens. Pardon ? Je n'ai pas vu Le Sixième Sens. Ça a coupé, tu disais ? Je disais que... Par contre, j'ai vu Prestige plein de fois. Ah oui, Le Prestige est excellent. D'accord, bon, ben merci. Merci, je pense que... Alors moi, j'ai plein de choses à rattraper, mais toi aussi. Hein. Ouais, ah oui, j'avoue que... Non, c'est vrai que Le Sixième Sens, il est top. Bah, c'est toi qui me l'as fait découvrir, Nicolas. Ben et oui. Franchement, je m'attendais... Ouais, on peut pas spoiler, parce que ça casserait toute l'histoire, mais je m'attendais pas du tout à cette fin, et c'est juste ouf, ce film, clairement. Pour information, mon grand-père n'a toujours pas compris la fin de l'histoire. D'accord. Est-ce que je dois raconter vite fait ou pas? Raconte-le pour notre ami. Bon, alors c'est l'histoire du docteur Malcolm Crowe, qui est en fait psychologue pour enfants, et au tout début du film, en fait, il est chez lui avec sa femme, et il y a un ancien patient qu'il avait, qui était Vincent Gray, qui arrive chez lui, qui en fait lui a fait croire, enfin lui a dit que malgré le fait que Malcolm a eu énormément de récompense et de reconnaissance sur son travail pour les enfants, ben Vincent Gray a été le seul enfant au final qui n'a jamais aidé. Et du coup, en fait, après ça, Vincent lui tire dessus. Et plus tard, on retrouve donc Malcolm, quelques temps plus tard, et il n'arrête pas de penser à ce patient qui en plus s'est suicidé devant lui, mais qui n'a jamais pu aider. Et il retrouve en fait un nouveau jeune garçon qui est Cole, qui lui aussi a des problèmes, et plus il avance, et plus il trouve que Cole a les mêmes problèmes que Vincent Gray, et il va commencer à réanalyser tout ça, à essayer de comprendre Cole, et il y a énormément de choses, il y a énormément de drames dans ce film, et de toute façon c'est ça, il y a des problèmes familiales entre Cole et sa mère, parce que vu que Cole a voilà, il a pour sa mère des problèmes et tout, et donc sa mère n'arrive pas à le comprendre, et des fois ils se prennent la tête. On a aussi Malcolm qui a des problèmes avec sa femme et tout ça suite à l'accident qu'ils ont eu au départ, le fait qu'ils se soient fait tirer dessus. Donc c'est un gros film qui a ses drames, qui est légèrement horreur, parce que bon, pour montrer le truc, c'est dans les bananes, c'est tout, mais en fait, le truc de Cole, c'est qu'il dit qu'il peut voir des morts, en fait, des personnes qui sont mortes et tout. Et quand je l'avais vu, gamin, il m'avait vraiment fait peur, parce que voir des morts et tout, c'est... voilà. Mais c'est un film excellent, où on a donc les deux personnages qui vont se rapprocher entre Malcolm et Cole, parce que Cole a confiance en personne, et aucun psy n'a pu l'aider avant. Et là, donc, Malcolm qui essaie d'avoir confiance et tout, et qui veut se racheter, qui, suite donc au drame qu'il a eu avec Vincent Gray, veut essayer de se redonner aussi espoir et tout. Donc, c'est un film qui est génial. Je peux, voilà, de toute façon, c'est mon indispensable, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est moi, perso, je ne me lasse pas de le regarder. Même en connaissant tout, je le trouve toujours aussi bien. Alors, film sorti en 99, et il a eu quelques récompenses, lui aussi. Le Saturn Awards en 2000, le film, meilleur film d'horreur. Il a eu également un Empire Awards, meilleur réalisateur. Et il a été lui aussi nominé aux Oscars, aux Golden Globes, aux British Academy Films Awards. Et également aux Saturn Awards comme pour le meilleur acteur, qui était Bruce Willis, ainsi que le meilleur scénario. Donc voilà. Est-ce que ça t'a donné envie de le lire, Dorothy ? De le voir plutôt, le voir. Oui. Tu peux lire le script aussi. Waouh, super. Mais du coup, c'est vrai qu'il m'a donné envie de le voir, parce que malgré que je connaisse la fin, j'ai quand même envie de le voir et je prends jamais le temps. Mais du coup, il y a plein de petits passages d'histoire que je ne connaissais pas, qu'il a un petit peu commencé à décrire, qui m'ont donné un peu plus envie de ce que j'en avais entendu parler. Eh bien, écoute, toi qui inculte des films, je te laisse nous présenter ton indispensable. C'est marrant parce que mon film, il ne faut pas spoiler la fin, il est sorti aussi en 99. Et c'est Fight Club de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton dans le rôle principal. Je ne connais pas. Sérieux ? Mais non. Ah non, là j'ai eu peur. Non, là franchement j'ai eu très peur. Hein, mais... Non, bon, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Je connais plein de gens qui ne l'avaient pas vu dans mon entourage. Du coup, ils n'existent plus. Ils l'ont regardé d'ici depuis. Mais pour moi, ce film, c'est une claque. Vraiment, c'est une grosse claque. Ben, déjà par le jeu d'acteur, le scénario, la fin. Petit résumé, nous allons suivre l'histoire de Jack, vous appelez le narrateur dans la version française, qui est insomniaque et il demande à son médecin de lui trouver une solution pour qu'il aille dormir, car il ne peut plus vivre sa vie comme ça sans dormir. Le médecin lui dit d'aller dans un groupe d'entraide pour relativiser, pour voir des gens qui sont vraiment malades. Et dans ce groupe d'entraide, il va rencontrer Marla, une personne qui profite du système, malgré qu'elle soit, elle est pauvre, mais elle profite de sa situation de pauvreté. Et en même temps, il va rencontrer Tyler Durden, donc incarné par Brad Pitt, et ensemble, pour expulser un peu leur mal-être, ils vont créer un club clandestin de boxe, on va dire. Et free fight plutôt. Ouais, du free fight, merci. Et ce groupe va s'agrandir, et ça va carrément devenir une secte. Et ils vont le narrateur, qui est joué par Edward Norton, va perdre le contrôle et va essayer de sortir de cet engrenage, tout en essayant de comprendre ce qui lui arrive avec Marla. Et bon, c'est un peu compliqué à expliquer le film. Je suis toujours pas doué pour faire ça. Et alors, quelle est la règle numéro 1? J'ai pas le droit d'en parler. Oui, non, bon, voilà. C'est vraiment un film incroyable et je crois que c'est l'un des films que j'ai le plus d'exemplaires chez moi, avec toutes les éditions qui sont sorties du film. En Blu-ray, en DVD. Le mec a le dernier samouraï en DVD. Sans doute une fois, il l'a pas maté, mais il a 50 exemplaires de Fight Club. Tout va bien. Ouais, voilà. Clairement, c'est résumé. Mais promis, attends, du coup, je vais mettre le dernier samouraï et Sixième Sens. Attends, s'il faut, tu dois l'avoir peut-être en version HD DVD, la chose qui n'a quasiment jamais existé, quoi. Non, tu l'as pas ? Non, je crois pas. Non, quand même. Je sais pas. Je cherche. Ah non, mais... voilà. Je ne l'ai pas dit, mais Sixième Sens n'est pas disponible sur les plateformes SVOD. Fight Club, il me semble qu'il est disponible sur, dans la bibliothèque de Dorothy, oui, à 50 exemplaires, oui, il vous le loue suivant l'édition à un prix raisonnable, mais je ne sais pas s'il est disponible sur Netflix. Je crois que pendant un moment il était disponible, voir s'il est toujours disponible. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Je vérifie. Juste pour histoire, de base, c'est un roman de Chuck Palahniuk qui, après 10 ans après le succès du film, enfin 15 ans, en 2015, il a sorti un comics qui reprend la suite de son roman mélangé au film. Donc Fight Club 2 en comics, sorti en 2015. Alors, il est disponible sur... laissez tomber. Il est disponible sur Prime Video, mais en néerlandais. Donc, ce n'est pas vraiment une langue que je parle tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais bon. Ah, s'il y a les sous-titres, ça passe. Il n'y a pas de sous-titres, apparemment. Ah. Je ne sais pas. Attends, mais regardez sur... Mais si, il y est sur Prime. Il est en français. En néerlandais. Ah, non, on l'a vu en français. Elle aura. Je sais plus. Mais oui, j'ai audio français. T'es sur quel Prime Vidéo, toi? Mon application qui a raconté de la merde parce que j'ai lancé le film. Et oui, il est disponible en français, en anglais. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de sous-titres. Si, il y a tous les sous-titres. Tais-toi. Ah, merci, Geoffrey, pour ces informations précises. Mais c'est quand même... L'avantage de ce podcast, on raconte de la merde et c'est notre droit le plus cher. Alors, pour compléter les informations, donc disponible sur Prime Video dans toutes les langues possibles et inimaginables, en ce qui concerne les distinctions, il a quand même le film avait été nommé pour l'Oscar du meilleur montage son. Et pour l'Empire Awards, Helena Bonham Carter a remporté son rôle de meilleure actrice et voilà, donc il a quand même gagné un prix. Je pensais qu'il aurait gagné parce que plus. Je crois qu'il avait été bâché à la sortie le film. Oh, c'est bien, c'est après, je crois qu'il a eu un succès plus tard avec le temps et tout, mais je crois qu'à sa sortie il a été bâché par la presse et par la presse. J'avais vu une interview justement de Edward Norton, Brad Pitt et David Fincher qui relisaient du coup les critiques de l'époque, et c'était à mourir de rire quand tu vois le succès du film qu'il a eu avec le temps, quoi. Je te rassure, tu prends les critiques de Star Wars épisode 4, les critiques françaises de Star Wars épisode 4, c'était le pire film de merde qui n'a jamais existé. Ouais, ça mérite. Voilà. Et que finalement, 2 ans plus tard, était sorti Star Wars épisode 5, et là, c'était « Oh, meilleur film du siècle !» Enfin bref, merci les critiques. De temps en temps, ils ne servent à rien. Et toi, Geoffrey, ton montant indispensable ? Ah, merci, j'attendais que quelqu'un me lance. Allez, Nicolo, laisse... David, je suis sûr que tu vas l'avoir. Star Wars. Mais lequel ? Tu en as 11. Moi, je pense que c'est Suicide Squad. Putain, je sais, oh, mais il y en a trop. J'hésite entre 3 parce que je suis sûr, allez, il y en a plus. Vas-y, balance un des 3. Dis-moi, post-logie, prélogie ou au milieu? Enfin, la trilogie de base, prélogie ou au milieu? Le au milieu est en Rogue One. Alors, trilogie. Ok. De base, je dirais, ouais, putain, non, mais le 4. Ah non, dommage. C'est Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Alors, la difficulté de ça, de ce podcast, et j'ai eu des difficultés partout, mais je suis comme Nico dans les films, je galérais à un max parce que j'hésitais entre plusieurs films comme Shutter Island, que j'ai vu 40 000 fois au cinéma avec 10 000 réinterprétations. J'ai hésité avec Prisoners, avec Hugh Jackman, qui est un très bon film, également fait par le même réalisateur de Fight Club, si je ne dis pas de conneries. J'hésitais avec un film Disney qui était Le Troisième Pirate des Caraïbes, que j'avais adoré, d'ailleurs, que j'avais vu avec toi, je crois, Nico, à l'époque du collège. Et après, j'avais Star Wars épisode 5. Et je n'avais pas parlé de Star Wars. J'avais fait l'effort d'ignorer Star Wars en comics, en roman. Et non, là, quand même, mon indispensable pour moi, c'est Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, donc, qui est sorti dans les années 80, qui est sorti où la pré-production, enfin, où George Lucas a commencé à écrire le scénario dès la fin de Star Wars en 1977. La pré-production a duré un an. Le tournage en lui-même s'est déroulé dans un temps super rapide entre mars 1979 et septembre 1979. Le fait que Star Wars a été un des plus gros succès du cinéma de cette époque, c'était extraordinaire. George Lucas n'y croyait absolument pas, mais il était très fatigué de ça. Donc, c'est la première fois qu'il laissait la réalisation à quelqu'un d'autre, donc à Erwin Kirchner, qu'on a pu revoir après dans Le Retour du Jedi. Et c'est un film qui est mémorable parce que c'est la première fois qu'il y a. Bon, je dis peut-être une connerie, mais c'est quand même une des premières fois qu'il y a une suite d'un film de science-fiction qui a énormément fonctionné. On ne savait pas comment ça pouvait être. Généralement, l'histoire des suites, c'est que le deuxième, il est pourri. Et en fait, non, George Lucas, ça fait encore mieux que le premier, avec un film qui a duré 2h04 générique inclus, et qui a mené les personnes qui ont voyagé un peu partout, donc sur Hoth, sur Bespin, dans des astéroïdes, avec un combat mémorable entre Luke et Dark Vador, un combat qui n'avait rien à voir entre Obi-Wan et Dark Vador dans l'épisode 4, où il y avait un peu plus de mouvement, mais également cette phrase qui est une réplique culte, le « Je suis ton père », où en fait, l'acteur... alors, il faut savoir que Star Wars, que Dark Vador, il y avait un acteur pour jouer la carrure, mais également un acteur qui jouait la voix. Et donc, celui-là qui faisait la carrure donnait la réplique. Et au moment où Luke est acculé, il a dit sa réplique, mais il n'avait absolument pas dit « Je suis ton père ». Donc, il n'y avait que Luke, il n'y avait que Mark Hamill et la voix de Dark Vador qui étaient au courant. Donc, Mark Hamill et... Ah, je vais me faire taper. Ah, j'ai une hésitation sur le nom de l'acteur qui fait la voix de Dark Vador. Voilà, James Earl Jones, qui lui connaissait la vérité. Sinon, sur le plateau, personne ne connaissait la réalité. Ça a été monté après au niveau du montage. Et c'est pour ça que ce film, il est juste extraordinaire. Il est super culte et pareil. À l'époque, ça ne se faisait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas forcément d'obligation de le faire. Mais ils ont mis en avant un personnage afro-américain qui était doublé par Billy Dee Williams et qui était très bien. Donc, il jouait le rôle de Lando Calrissian. Et voilà, c'est juste mon film favori de Star Wars. Je mettrai au-dessus de tout, avec la bande originale de John Williams qui est extraordinaire. Je suis désolé, Laura, mais John Williams reste toujours un peu plus haut que Hans Zimmer, malgré que Hans Zimmer est peut-être mon second compositeur favori. Et voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Donc, il est sorti dans les années 80. Il a gagné nombreux de prix. Il a gagné 2 Oscars, meilleur son, meilleur effet spéciaux. Il avait gagné un BAFTA, meilleure musique de film. Il avait gagné 4 Saturn Awards, meilleur film de science-fiction, meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleur effet visuel. Il avait gagné un Grammy Awards pour la meilleure musique de film. Il a gagné même un prix français, le prix Hugo, pour le meilleur film dramatique. Et il avait gagné à l'époque un People Choice Awards en film préféré. Donc voilà. C'est celui-là mon indispensable. Il fallait forcément que je parle de Star Wars et le voilà. Je l'ai vu. Alors, je pense que je t'aurais frappé. Je me serais déplacé chez toi et je t'aurais frappé là. Avec une attestation. Avec une attestation pour aider quelqu'un de vulnérable. Mais voilà. Alors. Ben vous deux, ben non, Nico, tu l'as vu aussi. Laura, tu l'as vu ? Non, t'as pas vu Star Wars. Elle t'as pas encore vu Star Wars. Alors, après tout ce que je viens de balancer comme amour pour ce film, est-ce que tu serais prête à commencer les Star Wars par la trilogie originale ? j'ai vraiment envie de m'y mettre au Star Wars, mais c'est parce que ma marraine est vraiment très, très, très, très fan. Et d'ailleurs, elle aurait sûrement adoré parler avec toi de Star Wars. Mais dans ce cas-là, on aurait passé 8 heures à parler de Star Wars. Donc, mais oui, c'est dans ma liste à regarder. Il faut juste que je me motive parce que c'est long, en fait. Quand je regarde tout ce qu'il y a, c'est déprimant. Mais je dis pas, c'est intéressant. Alors, je les ai fait dernièrement avec ma femme parce qu'elle ne les avait pas vus. Donc, par l'ordre des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec les spin-off. Ouais. Oui, non, mais avec les spin-off qui vont avec, dans ce solo. Mais ce après, film n'existe pas. Voilà. Mais après visionnage. Après visionnage. Je peux poser une question. Est-ce que tu as regardé des épisodes spéciaux de Noël avec les Ewoks? Non. après visionnage, ma femme m'a dit qu'elle aurait peut-être plus préféré en les regardant dans l'ordre de sortie. Donc 4, 5, 6, 1, 2, 3, et puis après 7, 8, 9. Dans l'ordre de sortie, tu veux dire dans l'ordre chronologique plutôt, non? Dans l'ordre, dans l'ordre de sortie au cinéma. Okay, bah, déjà, d'accord. Au moins, ça cache un mystère, quoi. Enfin, oui, c'est sûr. Pas faux. C'est pas faux. Donc voilà. Bon, Nico, je te prends pas ton avis. T'es fan, toi aussi, je le sais. Oui, il faut que je les revende d'ailleurs un jour. Donc, Ben, regarde, il y a ta petite copine qui les a pas vus. C'est le moment. Faites-vous le temps en amont. Sushi Star Wars. Oui, oui. Allez, donc maintenant, on va passer en série télé. Et toujours honneur aux dames. Vas-y, Laura, dis-moi quelle est ta série favorite, ton indispensable. Indispensable, c'est Game of Thrones. Clairement, cette série, pour moi, bon, déjà, c'est ma série préférée, certes, mais elle est complète. Elle est complète, elle est juste dingue. Les gens peuvent critiquer la saison 8, j'en ai rien à faire. Pour moi, la saison 8, elle se finit très bien. Elle doit se finir comme elle se finit. Mais en dehors de ça, c'est une série de A à Z qui est super bien tournée. Ramin Djawadi, il a fait des musiques de dingue. Je suis allée voir son concert à Paris. C'était juste dingue. Ça ressemble vraiment comme dans la série. Les personnages, les acteurs, bon, Sin Bean, on est d'accord, dès le début. On le sait tous, il crève, hein, mais dans tous ses films, c'est dommage. Mais franchement, pour moi, c'est une série indispensable. La série est finie en plus, donc c'est cool. J'attends juste impatiemment le dernier tome que George Martin n'a pas encore écrit ou qui est en train d'écrire pour connaître la véritable fin ou du moins les détails différents de la série. Mais après, pour moi, Game of Thrones, c'est l'indispensable parce que clairement, elle est dingue. Franchement, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de la fantasy, il y a du médiéval. Voilà. Et en plus, dark fantasy. Et c'est inspiré. Il faut savoir que Game of Thrones est quand même inspiré, si je ne dis pas de bêtises, d'un livre français qui s'appelle Les Rois Maudits. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est... Donc, de la guerre de je ne sais plus quelle guerre en médiéval. Mais voilà. La guerre de 100 ans. D'ailleurs, c'est un très bon roman. C'est ça. Voilà, exactement. Voilà, pour moi c'est vraiment Game of Thrones et ouais. Non mais Jeff, il va être d'accord sur Game of Thrones, il y a un souci, c'est Emilia Clarke. Pourquoi ? Oh putain, elle est chiante, mais putain, mais. Elle est insupportable comme actrice. Ah putain ! Non, ça va. Enfin, moi je supporte pas le personnage, mais l'actrice, j'aime bien. Non, tu prends l'actrice. Alors, elle est connue. Alors, dommage qu'il n'y a pas Adri, parce que là, il nous dirait non, mais vous trompez, vous exagérez un peu, les gars, calmez-vous. Mais bon. Tout le monde la bat. Pourquoi ? Parce que dès le deuxième ou troisième épisode où elle apparaît, elle est à poil, minimum une fois par saison. Elle est à poil. Certes, elle est assez bien foutue, mais bon, c'est pas forcément mon style de femme. Donc voilà. Mais après, on la prend dans d'autres films. Donc, on va commencer par Terminator Genesis. Certes, le scénario n'est pas top, mais elle n'aide pas le scénario. Et on va continuer dans son rôle extraordinaire de... je ne sais même plus comment elle s'appelle dans Star Wars, mais... Ah, putain, mais elle sert à absolument à rien, où elle fait vaguement... Ah, finalement, c'est moi la grande méchante de l'histoire. Personne ne l'avait prévu. Non, alors, après non, j'ai du mal avec cette actrice. Franchement, regarde le film C'est une histoire d'amour avant toi. C'est un intouchable version histoire d'amour où elle joue, le rôle dedans, et franchement je trouve que ce rôle ça lui va beaucoup mieux, encore mieux que Game of Thrones, parce que vraiment c'est son style de fille. Après moi j'aime bien l'actrice, mais c'est pas mon actrice préférée. Moi, pour rien cacher, dans Game of Thrones, l'actrice que j'adore c'est Sophie Turner, c'est celle qui fait Sansa Stark. Donc, clairement je l'adore, c'est Beaucoup de personnes n'ont pas aimé le personnage. Moi, je trouve que c'est un personnage qui a été très bien développé. C'est un peu comme Harry Potter, les acteurs, on les a connus petits, ils ont fini adultes. Donc, c'est ça qui est top, en fait, aussi, dans Game of Thrones. Et alors, après, ouais, non, Game of Thrones est pour moi une des meilleures séries, pour tout ce que tu as cité, et pour les intrigues politiques qu'il y a autour. Je me souviens des heures de parties de jeu de rôle que j'ai pu faire autour de Game of Thrones, qui étaient juste extraordinaires, avec les persos tordus que j'avais autour de la table. Petite dédicace à Milou, je lui dirai que ça me fera plaisir, elle écoutera le podcast comme ça. Et voilà, que ça soit. Moi, j'ai adoré Game of Thrones pour les parties politiques, à la rigueur, les batailles. Ah oui. Le roi de la nuit qui a été bâché au niveau de l'histoire, parce que dans les romans c'est totalement autre chose, et quand on sait l'histoire du roi de la nuit, ça n'a rien à voir avec la série, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, les intrigues politiques avec mon personnage favori qui est, vas-y Nico, dis-le, Tyrion. Ah non, c'est Littlefinger, toi. Ah ouais, mais moi c'est Littlefinger. Oh yes, mais non, mais voilà, Littlefinger, c'est mon personnage favori, c'est le fou en par excellence, c'est celui-là qui... C'est pour ça qu'il crée tout le temps des bordels dans le JDR. Mais ouais, mais il est... Non, mais franchement, Littlefinger dans Game of Thrones, mais ce mec... Enfin, moi, j'étais trop dégoûté quand il est mort, en même temps, j'étais contente, j'étais un peu... Arrêtez de lâcher des spoils au cas où pour les gens. Oui, bon... Ouais, c'est vrai, c'est bon, c'est sorti. Ah, quoi, Game of Thrones, ça fait longtemps que c'est sorti, merde. Non, mais... Ouais. On n'a pas trouvé le sixième sens, alors que Game of Thrones sortit les dernières, quand même. Mais ils meurent tous dans Game of Thrones. Tu veux faire quoi? Ouais, c'est compliqué. Alors, pour vous convaincre à regarder Game of Thrones, je vais vous la faire comme Milou m'avait conseillé à l'époque de la saison 1, parce que moi je suis fan de Game of Thrones depuis la saison 1 quand même. Il m'avait dit, écoute Geoffrey, c'est une excellente série pour toi. Il y a du viol, il y a de la politique, et il y a du sang. Voilà comment je résume, et j'adore. Non, franchement, non, les premières saisons sont géniales. Ah ouais, je trouve que les premières saisons sont tellement bien que kiffé Game of Thrones. Pour moi, c'est ma série préférée jusqu'à la saison 4. Après la saison 4, je trouve ça vraiment moins bien. Et plus les saisons avancent, moins je trouve ça bien. Après, voilà, c'est un personnel. On n'est pas là pour débattre de Game of Thrones. C'est vrai que moi, j'ai remarqué que. Alors, moi, tu vois, j'ai remarqué que ça commençait à pas devenir nul parce que ça restera toujours ma série préférée, mais à partir de la saison 6, tu vois. Le début de la saison 6, après le final de la saison 5, là vraiment, c'était pour moi c'était l'hécatombe, je me suis dit ok. C'est bon, ça. Ouais. La 5, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que Tyrion est souvent à l'honneur dans cette saison aussi. Après, c'était moins grandiose que les premières saisons. En fait, le problème, c'est qu'on a senti qu'une fois que le scénariste avait rattrapé les sorties des bouquins, là, il y a eu une espèce de temps mort, d'ailleurs de dire putain, on a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait? L'autre, il écrit pas, il scénarise même des épisodes pour nous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a Martins qui a dit bon, ben moi je scénarise plus, je vais quand même me concentrer un peu sur mes bouquins, hein. Merdez-vous, je vais quand même vous dire comment va se finir pour moi la série, et puis après vous faites ce que vous voulez derrière. Et j'ai trouvé ça décevant. Ouais, ça se sent au niveau des dialogues même, des dialogues des personnages. Enfin, au début c'est hyper bien travaillé, et plus t'avances, enfin les dialogues, enfin c'est cliché au possible, quoi, quand un personnage y parle. Donc voilà. Nico, tu t'es pas exprimé. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'après, avec le temps, les premières saisons étaient sympas. Après, c'est les changements de ton des fois qu'on a eu avec le temps qui étaient sympas aussi. Mais non, moi j'ai vu toutes les saisons. Je regardais, je me souviens, j'avais l'abonnement OCS Day One quand ça sortait, là, ça arrivait en France, je l'ai regardé et tout. Pareil. Ah ouais, non, j'avais kiffé. C'était vraiment le truc épique que t'adores. Et la première saison était géniale sur le fait qu'au début, t'adores. Et puis t'arrives du coup à la... Est-ce qu'on peut au moins spoiler là? Oui, on peut spoiler la première saison. Oui. T'arrives à la mort de Ned Stark, et là, ça te fait comprendre directement qu'en fait, personne n'est protégé. Et là, à chaque épisode, t'as peur. T'aimes bien ton perso, t'es en train de dire est-ce qu'il va survivre ou pas. Et t'as des trucs, des fois, des scènes d'action, des duels, où t'es en train de te dire « Ouais, c'est bien !» Et t'as un retournement, t'es en train de te dire « Eh merde !» ou des trucs comme... Donc c'est génial sur ce genre de choses, où ça te fait t'accrocher à quelqu'un, et tu vis de la tension tout le long du « Tu sais pas comment ça finit. » Donc c'est le côté vraiment sympa aussi avec Game of Thrones. Eh ben écoute, vas-y Nico, c'est à ton tour. En fait, tu m'as demandé la parole histoire de juste dire après Nico t'enchaîne, c'est ça? J'ai compris. Non, c'est juste que tu n'avais pas eu ton temps de parole sur GOT et que je sais que tu aimes beaucoup cette série et que toi aussi tu avais joué avec moi. Ah non, t'es... J'en avais fait des parties de GOT aussi quand même. Ah oui, un peu quand même. Oui. C'était une période trouble. Bref, à toi, avant qu'on déborde. Alors moi, mon indispensable ne va pas être connu pour grand monde. C'est la Lazy Company. C'est tout simplement dans la trilogie des trois grandes séries françaises pour moi, qui sont donc Kaamelott, le haut du panier, le Graal, comme on pourrait dire, Hérocorp, donc de Simon Astier, qui reprenait pas mal justement, une bonne partie déjà des personnes, des acteurs qu'on a croisé un peu dans Kaamelott, et qui était en plus ben, pour moi un truc génial, parce que ça reprenait le côté comics et le côté super-héros, mais en partant de base avec des héros en fait, qui étaient vieux, qui avaient perdu un peu leur pouvoir, qui étaient à la retraite et tout. Et le troisième, c'était La Lazy Company, qui change complètement, mais qui m'a fait aimer à fond Alban Lenoir. Et en fait, c'est tout con. C'est une petite série française en trois saisons, où en fait, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. On commence donc avec les débarquements des Américains, où ils arrivent en France donc, pour libérer tout le monde. Et on se retrouve avec quatre personnages qui sont complètement pas cons, parce que c'est méchant de les dire comme ça, parce qu'en fait, on les aime, mais c'est des soldats qui sont pas doués. Donc, on a le lieutenant Chester, on a le caporal Nils, on a Slice, et on a le soldat Henry. Et en fait, on va les suivre tout au long donc, de ces parcours de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont surnommés la Lazy Company, parce qu'en fait, ce sont les plus nuls, et des fois, on leur confie des missions à chier, mais ils se retrouvent dans des situations complètement hasardeuses avec des trucs qui sont complètement drôles, avec de l'action, on s'attache au personnage. Genre, des fois, ils doivent faire un truc complètement con, ils se retrouvent à capturer Hitler et tout. Et on a plein de choses. C'est drôle, en fait, un peu d'action, c'est drôle, il y a des petites intrigues et tout. Et c'était vraiment sympa. J'ai appris qu'il fallait que je m'inscrive à Salto si je voulais les regarder. Ça m'a fait mal de voir ça, mais c'est vraiment une des séries françaises que j'avais grave kiffé. Alors, je connais. Alors, j'en avais entendu parler avec toi quand, à l'époque où tu l'as regardé sur OCS. C'était à l'époque où je suis squatté chez toi. Ouais. Et ma femme et sa sœur l'ont regardé. Elles ont kiffé. Elles ont jeté la BD qui est la suite, je crois, une connerie comme ça. Et voilà. Moi, par contre, j'ai pas adhéré. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'ils vont trop loin. Au début, au tout début, c'était intéressant, et puis après ils vont trop loin et j'ai complètement décroché et voilà. Et j'arrive pas à avoir un côté un côté déconne à la Seconde Guerre mondiale, alors que pourtant, tu vois, j'ai kiffé Inglourious Basterd, qui est complètement une uchronie également. Donc voilà. Moi, je connaissais pas, mais tu m'as vachement donné envie de la regarder. Là, du coup, soit tu le trouves quelque part, soit faut prendre Salto, malheureusement. Ça me fait mal de dire ce truc, en fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit, Game of Thrones est disponible toujours sur OCS. OCS, ouais. Et je suis en train de vérifier pour Lazy, voir s'il n'est pas également sur OCS, mais voilà. Et toi, sinon, Laura, comment t'as trouvé Lazy Company? Ça peut être sympa, Ouais, à voir. À voir, à voir, à voir. Je dis pas oui, je dis pas non. Alors, je viens de regarder. Non, la Lazy Company est vraiment disponible que sur Salto. Oh putain. Eh bien, écoute, alors Salto, pour ceux qui ne le connaissent pas quand même, c'est un service SVOD à la française, donc le Netflix français. Et l'abonnement est horriblement cher pour ce que c'est, mais vous avez le premier mois gratuit comme sur Netflix. Donc, si vous prenez, n'hésitez pas à vous mater les Kaamelott et la Lazy Company, du coup. C'est ça. Écoute, vas-y, notre petit ignorant, parce que je trouve que depuis qu'on a quitté les mangas, tu ignores beaucoup de choses, donc vas-y, c'est ton tour. Moi, je parlais d'une série française, mais d'animation. Je parlais de la série Last Man, donc de Jérémy Perrin et de Laurent Sarfati, inspirée de la BD de Bastien Viviez, de Balak et de Michel Salami. Nous allons suivre les aventures de Richard Aldana, un ancien boxeur qui va voir la mort de son coach et il va récupérer sa fille adoptive. Il va se rendre compte que la fille qu'il a adoptée, qui s'appelle Siri, va, comme dans The Witcher, un peu, oui, elle va se rendre compte qu'elle est recherchée par une secte de fanatiques qui veulent l'utiliser pour aller dans la Vallée des Rois, pour ouvrir la porte d'un autre monde. Dans cette série, on va avoir du coup des trois épisodes, trois type d'épisode, on va dire. Donc, les épisodes sur Aldana lui-même, donc ça va être ses galères dans la vie de tous les jours, son passé de boxeur, et il essaie de quand même continuer la boxe pour gagner de l'argent. Ses soucis avec Siri, qui du coup, lui, c'est un peu un fêtard et tout, et il va se retrouver à s'occuper d'une fille, et il ne sait pas du tout comment on s'occupe d'un gosse, même si elle a à peu près 13 ou 14 ans, je crois, lui, d'avoir la trentaine. Et les aventures du coup de Siri qui est traqué par la secte de fanatiques et de démons qui envahissent la ville. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, vous. C'est alors, génial. Non, mais ça donne envie. Je connais pas du tout, mais ça donne envie. Alors je viens de regarder, c'est disponible sur Netflix. Sur Netflix, il y a 26 épisodes qui vont de 10 à 12 minutes. Ouais, c'est vraiment incroyable pour une série française. Vraiment, l'animation peut faire un peu bizarre au début. Mais vraiment, c'est l'animation, ce qui est fort dans cette série, c'est qu'ils reprennent un peu des plans de cinéma des fois et ils se permettent des trucs que tu peux pas voir au cinéma, genre des gros arrêts sur image pendant une action et tout, mais toujours avec les effets de profondeur en dessin, c'est incroyable. Et c'est très drôle. Il y a pas mal d'humour. Chaque épisode, chaque nom d'épisode, c'est une des punchlines que va dire le héros dans l'épisode. Toi, est-ce que tu veux dire? Ouais, je suis. Ouais, voilà. Je sais pas, vu qu'il n'y avait pas de bruit, je me dis que c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Non, mais c'est qu'on, qu'on boit tes paroles. Oh, c'est beau. Et ouais, du coup, ça va mélanger vie de tous les jours avec fantasy. Et c'est vraiment super. Et ouais, vraiment, c'est sur Netflix. Si vous avez Netflix, c'est une des séries que je vous conseille le plus. Quand j'ai vu la série, dans mon entourage, tous les jours, je faisais: t'as vu Last Man? Tu connais Last Man? Donc ouais, je vous la conseille, mais fortement. Et je t'accorde cela, parce que moi aussi, quand je l'ai vu, ça a été un coup de cœur et un sacré kiff. Ouais. Et toi, Jeff, alors, quelle est ta série? Ben écoute, je vais repartir dans l'espace. Je vais vous parler d'une série que personne n'a vue, qui est un peu vieille, parce que ça a été diffusé pour la première fois en 93 est terminé en 99. En France, c'était diffusé de 98 à 2002 sur Jimmy, à l'époque, sur CanalSat. Question. Ouais. Non, une vieille série. Et voilà. Donc, après avoir parlé de Don Harrington, qui est du Space Up, après vous avoir parlé de Star Wars, qui est du Space Up, je vais bien évidemment vous parler de Star Trek, qui est encore une fois du Space Up. Mais oui, non, mais j'ai réfléchi, tu vois. Et voilà, l'espace, l'ultime frontière, c'est pour moi, c'est voilà, l'espace, c'est l'ultime frontière, c'est quelque chose que j'adore et que j'aurais aimé vivre dans le futur avec un vaisseau et compagnie. Et forcément, dès que je vois une série dans l'espace avec des vaisseaux, ça me parle. Et Star Trek Deep Space Nine est pour moi la meilleure série Star Trek. C'est la troisième du nom qu'on parle de série avec des acteurs. C'est la quatrième du nom si on inclut la série d'animé de 70, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, on suit l'équipage d'une station spatiale qui est dirigée par un capitaine qui est mis de là de force et qui est là en fait pour protéger une planète qui s'appelle Bajor, qui a été occupée dernièrement par des Cardassiens. C'est une espèce de lézard, d'espèce reptilienne. Et cette petite station spatiale qui ne paye pas de mine va devenir un axe majeur de ce quadrant de la galaxie, parce qu'il y a un trou de ver qui se forme et qui nous amène des années plus tard. C'est une de mes séries favorites de Star Trek parce qu'il y a de l'espace, mais il y a surtout des intrigues politiques. Et de voir, on voit grosso modo trois camps, la Fédération qui sont entre guillemets les gentils, qui veulent bien protéger le trou de ver parce qu'ils trouvent que c'était quelque chose qui est très intéressant. Les Bajorans, eux, qui viennent de sortir de l'occupation et qui voient la Fédération comme des nouveaux occupants pour certains. Et les Cardassiens, eux, qui se disent « Tiens, il y a un trou de ver, ça serait quand même assez intéressant qu'on reprenne la planète. » Et donc, voilà, il y a plein d'intrigues politiques. C'est une de mes séries favorites. Dernièrement, je me la suis rematée. Pourtant, il y a 7 saisons avec 26 épisodes. Elle est un peu lourde. Certes, c'est une vieille série qui date de 93, mais à l'époque CBS mettait énormément de pognon dans Star Trek parce que ça a été leur programme phare, donc elle a pas si mal vieilli que ça. L'avantage, c'est que les épisodes font 45 minutes. C'était comme ça à l'époque. Donc voilà. C'est une série qui parle religion, qui parle politique, qui parle également, qui est un peu Black Lives Matter, est un peu précurseur du Black Lives Matter, parce qu'il y a des épisodes flashback où on peut voir comment sont traités les Noirs aux États-Unis à l'époque des années 60. Donc voilà, il y a énormément d'acteurs qui en sont devenus célèbres et qui ont continué quelques années plus tard dans d'autres séries. Il y avait René Aubergenois que lui il a joué dans la série Boston Justice quelques années plus tard. Nicole De Boer qui a connu un certain succès dans les séries New York. Colm Meaney qui est lui on a retrouvé comme méchant dans la série Stargate Atlantis, je dirais saison 1 à saison 3 voire 4. Alexander Siding, lui on l'a vu dernièrement dans Gotham en tant que je l'ai encore une fois sur le bout de la langue, c'est compliqué quand ça ne veut pas venir. Je suis obligé de regarder, on le voit en tant que Ra's al Ghul. Donc voilà, il avait même joué dans Game of Thrones en tant que Doran Martell, Siddig. Donc voilà, donc il y a certains acteurs qui ont quand même bien su développer et compagnie. La dernière série, Star Trek Discovery, rend hommage à Star Trek Deep Space Nine en donnant le nom d'un vaisseau à un acteur qui est décédé. Il va y avoir peut-être un revival de Star Trek Deep Space Nine, parce que la CBS serait peut-être intéressée pour faire revenir le capitaine Sisko. Donc voilà, je craque encore une fois sur une série policière. Pourtant, enfin, politique, et pourtant j'aurais pu citer House of Cards qui est aussi une excellente série et peut-être un indispensable, mais l'espace m'a appelé. Est-ce que ça vous a donné envie ou est-ce que vous voulez materner à l'asile? Je pense que l'asile c'est la bonne solution. Non, après on sait que t'es fan de SF et de Star Trek, quoi. Moi c'est pas trop ma tasse de thé, tu vas déjà essayer de me convertir, on va dire ça comme ça. Mais tu me donnes de plus en plus envie quand même. Promis, à la fin du confinement, on s'en regardera quelques Star Trek intéressants. Allez. Et vous, Nico, Laura? Moi, ça me tente, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui me tentent. Mais moi, j'ai la flemme et en fait, je me dis, j'ai tellement de choses à regarder que finalement, je vais jamais regarder, quoi. Mais après, je sais qu'il y avait quelques épisodes que j'avais déjà vus, mais j'ai jamais suivi quoi la série, quoi, réellement. Voilà. Moi, c'est pas mon truc, Star Trek. Voilà. Merci de l'avoir résumé aussi simplement. Donc voilà. Alors, c'est pas un indispensable, mais une très bonne série et qu'on peut voir de manière un peu décalée. C'est pas un indispensable, je le précise, mais bon, vu qu'elle est pas connue en France et qu'elle n'est pas encore sortie sur MSVOD en France, j'en parle énormément. J'en ai fait un podcast, c'est Star Trek Lower Deck, qui est la deuxième série d'animation. À prendre avec beaucoup d'humour, un peu comme Rick and Morty version Star Trek. L'humour est lié, ça passe beaucoup mieux et pour des personnes qui sont non initiées, ça peut être pas mal à regarder. Déjà, rien que le générique de la série est une parodie à Star Trek et j'apprécie énormément et ça me fait énormément rire. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à télécharger, c'est vraiment drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, bon, ben. Ouais. On va attaquer la dernière catégorie, les jeux vidéo. Et toujours honneur aux dames, Basilora. Alors, du coup, après réflexion, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire Kingdom Hearts, vu que c'est mon jeu préféré. Mais non, finalement, pour moi, l'indispensable auquel je pense que tout le monde peut y jouer, à part qu'il faut aimer, parce que c'est du tour à tour, c'est Final Fantasy, le 10, du coup. Du coup, l'histoire avec Yuna et Tidus, qui pour moi est un des tout premiers Final Fantasy auxquels j'ai joué, mais qui pour moi, niveau histoire, dépasse une bonne partie de Final Fantasy, sans parler du 7, parce que bon, le 7, c'est un des plus connus, mais pour moi, le 10 est juste sublime. Faut savoir qu'il y a le 10-2 que j'aime moins, malheureusement. Mais bon, déjà je suis fan de tous les Final Fantasy de Square Enix et pour moi c'est indispensable, c'est un jeu qui se joue, qui est cool, qui est vraiment pas prise de tête, enfin pas prise de tête, quand on connaît un peu le système, si on sait que ça peut être prise de tête vers la fin, mais bon ça c'est comme tous les jeux, mais bon voilà, donc si vous aimez vraiment les jeux de en tour à tour parce que c'est à la Final Fantasy quoi. C'est vraiment ouais, c'est pour moi c'est l'indispensable. Après il y en a tellement, j'ai joué à certains Assassin's Creed donc je pourrais dire Assassin's Creed Origins aussi, mais quitte à faire un choix, ouais, ça serait Final Fantasy. C'est voilà. Marrant, j'ai presque fait pareil que toi. J'ai voulu mettre Kingdom Hearts, puis j'ai dit non quand même. Après j'ai fait Final Fantasy, mais le 9 non quand même. Il est bien le 9. Ah, le 9, c'est bon. Ouais, bref. Ouais. On va commencer à parler Final Fantasy, parce que sinon ça va durer 2 heures, comme avec Star Wars avec c'est ça. Quelqu'un d'autre, hein. On dira pas de nom. Et moi ce que j'attends, enfin ça arrivera jamais, mais clairement ils ont fait un film sur Final Fantasy 7. Et j'aimerais tellement qu'ils fassent un film sur Final Fantasy X, clairement. Déjà la musique, quoi. J'ai eu la chance d'aller voir l'orchestre Final Fantasy qui était à Toulouse cet été, si je me trompe pas, ou avant cet été. Il y avait des concerts cet été Non, c'était... Mais qu'est-ce que je raconte? Non, c'était l'année dernière, du coup, avant le confinement. Oui, je me disais aussi. Enfin voilà, j'ai eu la chance... Ouais, c'est ça. On a sauté cette année en fait. Et j'ai eu la chance de voir en passant de Ricky, donc celle qui chante la chanson plus connue de Final Fantasy X. Quoi. Et c'était. Zan Arcade, non, c'est ça, non? Non, Suteki Dane, la chanson d'amour quand United Us sont dans l'eau là. Ouais, voilà. Oui, très bien. Et franchement, c'était waouh, dingue. Donc voilà. Voilà. Pour moi. Eh bien, vas-y, Nico, raconte-nous. Avant de passer à toi, Nico, si tu finis à Fantasy, est-ce que tu aimes bien, Nico? J'avais joué au 10-2, et c'était sympa, mais j'ai jamais trop accroché, je crois, Final Fantasy. Après, il faudrait que je reprenne un jour et tout, je pourrais kiffer maintenant, mais ça n'a pas été le truc qui m'a le plus marqué à l'époque. Alors, vas-y, maintenant, toi, tu t'es déjà exprimé, Dorothy. Donc, moi, en ce qui concerne Final Fantasy, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'aime beaucoup, énormément. Et j'ai beaucoup aimé jusqu'à l'arrivée du 13, en fait, où ils ont décidé de changer le système de jeu et le tour par tour. C'est la base, c'est un véritable JRPG, quand on me parle de JRPG, je veux un tour par tour. Et ça a été développé par les équipes de Final Fantasy, un jeu qui est excellent, un ancien exclu Switch, parce que maintenant il est trouvable ailleurs, donc sur Xbox, il me semble, c'est Octopath Traveler, qui est extraordinaire, et qu'on retrouve l'intelligence d'écriture de l'époque des Final Fantasy, et c'est un jeu qui est fou, et voilà, donc ouais, non, moi je conseille vraiment... Je conseille vraiment les vieux jeux et peut-être pas le 13 ni le 14 et le 15 j'ai pas. Le 14 pas c'est en ligne donc c'est un peu. Je le considère pas comme un Final Fantasy moi le 14, clairement. D'accord, non plus. Ouais. Bon, on peut faire le 7, le 8, le 9, le 10, voilà quoi. Il se mange sans fin quoi. Vraiment, après, en plus, je crois qu'il. Le 4 est pas mal aussi. Ouais, moi je commence à partir du 7 sur la PS1, ouais. J'ai pas fait les anciens. Ouais, moi je suis pas ok. Écoute Nico, raconte-nous ton indispensable. Ça a été compliqué, mais j'ai guidé mon cœur. Pour moi, mon indispensable, c'est un jeu que je joue au moins une fois par an. Je le réinstalle toujours au moment pour y rejouer. C'est... Non. Oh, non. Non, tout ça, il faut une année juste pour le faire déjà. Donc, Non, c'est BioShock, mais c'est ni BioShock 1, ni BioShock 2, mais le dernier BioShock Infinite. Qui, pour moi, ça a été mon coup de cœur, et c'est pour ça que moi je le mets un indispensable par rapport aux deux premiers. C'est pas parce qu'il est plus récent, mais c'est dans l'histoire où, du coup, on sort de Rapture pour se retrouver à Columbia dans les airs, donc on a une ambiance plus éclairée, mais très tendue, et un peu comme le cas de Billy Bat, ça retrace un peu, on y retrouve des histoires, l'histoire un peu là de l'Amérique et tout ça, avec les pères fondateurs et tout. Il y a toute une mythologie autour de ça, et c'est ça que j'adore. Et un peu comme on a dans le sixième sens, à la fin, on se retrouve en plus avec toute une logique de scénario et un retournement de situation qui est dingue. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. Je n'ai fait aucun BioShock, vu que je suis un gros inculte. Et moi, on continue. Moi, j'ai essayé le premier avec toi. J'ai vu, du coup, je t'ai regardé jouer à celui-ci. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. Déjà, je trouve que l'univers est très intéressant. Déjà, le premier, c'est un peu pas suspense, mais c'est vrai que c'est ça fait pas peur, mais c'est t'as quand même ce côté angoissant dans le jeu qui est vraiment intéressant aussi. Ah oui, non, mais c'est très angoissant. Et puis, ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans Infinite, quand j'adore la licence Bioshock, c'est que dans Rapture, t'as pas de vie, t'as tout le monde qui est caché et tout. Donc, quand tu vois des gens, t'es méfiant, tu vas te faire attaquer. Mais là, en fait, t'as des gens partout, tu vois des habitants. C'est pas un lieu abandonné comme Rapture, c'est un lieu qui est complètement vivant. Et bon, après, il y a que la toute fin qui est très chelou, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, ouais, c'est déjà rien que la licence Bioshock, je vous conseille beaucoup. Et pour moi, le Infinite a été un sacré coup de cœur. Et je connais des noms, mais je n'ai jamais joué. Très bien. Vas-y, Baptiste. Moi aussi, j'ai beaucoup hésité, comme tout à l'heure, disait avec Laura. Bah, c'est pas Kingdom Hearts, hein, malgré que je suis un très gros fan. C'est pas Final Fantasy. Mais j'ai pris Warcraft 3, Reign of Chaos et Frozen oui. Throne. Oui. Je valide. Voilà, donc parce que je présente le jeu. Oui, c'est un jeu PC sorti le premier du coup en juillet 2002 par Blizzard. C'est un jeu de stratégie et de ressources où du coup on va lancer une partie, créer notre camp, chercher des ressources, faire une armée, et selon la carte qu'on a lancée, il va falloir soit récupérer des artefacts, soit péter la gueule aux autres joueurs ou bots. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'était son mode campagne où on jouait à tour de rôle les différentes races, donc orques, humains, morts-vivants, elfes de la nuit. Et ben, l'histoire de Warcraft est vraiment incroyable, quoi. Ils ont créé leur propre lore, hein, bon, inspiré de plein de trucs, mais l'histoire est vraiment folle. Et le mode multijoueur où on peut créer ses propres parties à thème et tout, qui donne une rejouabilité infini, tant qu'on a de l'imagination, on peut faire des parties, jouer, s'amuser. Et si on n'a pas envie de partir avec en multijoueur, on peut jouer en solo. Mais c'est génial, voilà. J'adore. C'est pour moi un des meilleurs jeux. Les meilleurs jeux sortis, c'est quasiment Blizzard qui nous les a sortis. Et Warcraft 3, c'est peut-être le plus connu, avec le lore développé, comme tu disais, qui est extraordinaire. Le lore quand même, il y en a en film, hein, on peut citer Warcraft le commencement qui n'est pas si mauvais que ça, on peut citer les romans, dont le roman Arthas qui nous parle très bien de Warcraft 3, on peut parler de manga également avec le ouais. Puits du Soleil, on peut parler BD, on peut parler après MMORPG avec la suite voilà, qui est World of Warcraft, mais c'est génial, WoW c'est une histoire d'amour. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. En tout cas, jusqu'à Mists of Pandaria. Ouais, enfin, j'allais dire, ouais, moi je me suis arrêté après Cataclysme, donc bon. Après voilà, non mais voilà, donc pour moi c'est le jeu, un des jeux de mon enfance avec Final Fantasy quoi. Vraiment, ah ouais. On avait un ordi avec mon frère, on se faisait le mode campagne une fois par mois je pense, parce que l'histoire était ouf à l'époque, les cinématiques c'était une claque. Et je suis juste très déçu de Warcraft Reforged, hein, comme beaucoup je pense. La réédition de Warcraft 3 qui est sortie cette année, qui est pas ouf. Voilà, hein. Si vous devez jouer à Warcraft 3, jouez à l'original. Et ben, Laura, Nico ? À moi, Warcraft 3, j'ai passé des heures et des heures dans les cybercafés à jouer à multijoueur avec des potes. C'était des putains de parties de plaisir. Moi, j'en garde qu'un bon souvenir. Et moi, j'ai jamais joué. Voilà. Non, vrai. Tout ne peut pas être parfait. Triste. Bon, et toi, j'ai fait. Du et coup, moi, de mon côté, j'ai beaucoup hésité. Un jeu de SF ? Non. Non, alors, non. Non, non. J'ai un amour très profond pour Warcraft. Avec World of Warcraft, que j'y ai passé des centaines d'heures de jeu. Même si à une époque Hearthstone m'a fait quitter légèrement Warcraft, mais WoW en fait depuis Burning Crusade, ben même depuis le premier, hein, depuis Vanilla, j'ai au moins joué sur au moins quelques heures sur chaque extension. Donc c'était un jeu que j'ai suivi de A à Z. J'ai joué très très légèrement à Légion, je crois que c'est celui-là que j'ai joué le moins. J'ai joué à la dernière qui est voilà qui est. J'attends pas du tout parce que ça m'a pas du tout donné envie. À part les cinématiques qui sont extraordinaires. Donc ouais, c'est un jeu que j'adore où j'ai passé des centaines d'heures de jeu. Mais malheureusement, j'ai trouvé une série de jeux que quand on cumule, j'arrive à 750 heures de jeu. 750 heures de jeu, ce qui fait quasiment un mois de jeu complet. Et je pense que malheureusement, c'est cette série de jeux que je vais trouver indispensable. Je risque d'en dégoûter quelques-uns. Mais voilà, j'ai un grand aveu à vous faire. Moi, je pense que je vais être déçu. Moi, je crois que je crois savoir ce que c'est. Je suis un grand amoureux de jeux de gestion. Et voilà, donc voilà. Je ne sais pas si je jouais quand je squattais chez Nico, j'y jouais, mais voilà, c'était un des seuls jeux disponibles sur Mac, comme WoW d'ailleurs. Et donc, c'est la pitié du riche, tu vois, le mec il avait un Mac, mais il n'avait pas beaucoup de jeux. C'est. Oui, mais à un moment, quand tu arrives sur une série à plus de 750 heures de jeu, à un moment, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas et que tu ne trouves pas ça indispensable. Donc voilà. Alors, c'était quoi vos idées ? Vas-y, Nico. Très bien. Moi, j'aurais dit un truc du style Football Manager. Ouais, c'est ce que je pensais, un truc. Ouais, si c'est Football Manager, je crois que ça s'appelle. J'étais en train de dire Pro Evolution Soccer, mais c'est pas ça. Donc c'est Football Manager auquel je pensais. Et c'est exactement ça. C'est vraiment le jeu de gestion. Alors je le trouve quand même beaucoup plus intéressant que FIFA, parce que FIFA, je maintiens ça, que c'est quand même le bon jeu de bof. L'avantage de Football Manager, c'est qu'il faut quand même un peu réfléchir et un peu connaître les systèmes de jeu et compagnie, gérer les sous. Enfin, c'est un vrai jeu de gestion, un vrai jeu de sport, un vrai jeu de gestion où tu te casses plus la tête à essayer de recruter, à équilibrer tes budgets, que d'essayer de gagner un pauvre match et te dire « Ah tiens, je vais acheter Ronaldo et Messi et monter la plus grosse équipe ». Non, ce n'est pas ça le but de Football Manager. Et c'est un vrai jeu de gestion que je passe des années, que je vais passer des heures à jouer. Je pense que je vais me prendre le 2021 tout de suite dès qu'il sort. À savoir quand même qu'il y a des véritables clubs de foot. On peut citer en France Nice. Je crois qu'il y a Everton également qui a signé en 2006 un accord avec Sega pour avoir accès à toutes les données du jeu, à tous les détails de la base de données. Et en Ligue 2, vu qu'on est occitan, il y a Toulouse également qui regarde les données des joueurs sur Football Manager pour faire leur propre recrutement. C'est quand même assez. Ah, quand même. Le jeu poussé, quoi. Le jeu est vraiment poussé là-dessus et il y a beaucoup de personnes qui. De vraies personnes qui s'inspirent de ce qui a marqué sur Football Manager pour suivre un joueur sur un autre pays, un autre club et compagnie, pour pouvoir éventuellement le recruter. Et à savoir que Sega a pu nous sortir a su deviner, grâce aux stats, grâce à leur base de données, certains grands joueurs, comme à l'époque Nasri, quand il savait à peu près jouer au foot, le Zlatan qu'on ne présente plus parce qu'il nous sort des phrases à la con, et au PSG, ils nous ont sorti Marco Verratti, comme de véritables talents, des diamants bruts qui méritent que être découvert, et c'est Football Manager qui a permis ce genre de choses. Et voilà, c'est un jeu que je passe, je les achète pas tous les ans parce qu'il n'y a pas besoin de les acheter tous les ans. Je les achète généralement une fois sur deux saisons pour avoir à peu près la base de données qui soit à jour. J'ai regardé par curiosité, il y a quand même quelqu'un qui est connu, qui a gagné, qui est inscrit au livre Guinness des records, parce qu'il a joué 333 saisons sur Football Manager, ce qui équivaut quasiment à 2000 heures de jeu. Ah oui, quand même. Ah ouais. Sur lequel, du coup ? Il précise ouais, c'est précisé. Donc, il avait joué à Football Manager 2017. Ah ouais, mec, chaud, quoi. Donc, 333 saisons, ça amène quasiment à 2350. Et c'est toujours la même technologie. Il n'y a pas d'évolution technologique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est mon aveu. Ouais, j'aime Football Manager. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le moment de me balancer des cailloux. Non, après, je pense que c'est un jeu de... Après, c'est chacun ses goûts, quoi. Après, je sais que un jeu de gestion, tu joues pour le gameplay. Si le gameplay est cool, voilà. Et si c'est un thème qui te plaît en plus, c'est que du pain béni, quoi. C'est ça. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu après, Mais comme on dit, chacun ses goûts, et tant que toi tu t'amuses. Ouais. Ouais, ouais, par moi, tu vois, on serait plus pour un jeu de comme ça, serait plus une civilisation, tu vois. Ah ben, j'y ai joué à Civilization, je me suis retéchargé Age of Empires 1, 2, 3. J'attends le quatrième qui devrait pas trop tarder à sortir. Enfin, voilà, tu vois, en jeu de gestion, je m'arrête pas que à Football Manager, même si c'est sûr que je passe le plus d'heures de jeu dessus. J'ai même des jeux de gestion d'hôpitaux, de politique. J'avais quelque part que j'ai joué un jeu de gestion. Bah que Grenier avait fait en vidéo sur le cinéma ou sur le par l'attraction sur les jeux vidéo Game Dev Tycoon, j'ai des Star Wars en jeu de gestion, j'ai du vélo en jeu de gestion avec Pro Cycling Manager, j'ai un jeu de sport auto en jeu de gestion. Alors, vu que je suis amoureux du sport auto et ça Nicolas le sait, j'ai passé sur ce jeu 182 heures dessus quand même. J'ai Démocratie 3, j'ai 911 opérateurs, enfin voilà, j'adore les jeux de gestion et je m'en cache plus. J'ai The Guild également qui est en fait mal. Plus tard ce sera le JDG quand tu l'écoutes. Oh, il fait tous les jeux de gestion et Non. Et si, un jeu de gestion que j'ai trouvé super bien documenté, mais qu'il faut passer des heures à jouer, c'est un jeu Sega également. Alors Sega, j'ai l'impression qu'ils sont les leaders sur le marché pour faire des jeux de gestion. C'est Crusader Kings 3, qui est extraordinaire. Et j'ai commencé au niveau du... alors pas de l'Occitanie, j'ai commencé du côté de Hoche. Oula. Ouais, je me suis dit, allez, soyons fous, je vais commencer du côté de Hoche. Et le jeu est vraiment très bien renseigné au niveau de l'histoire et au niveau des ducs qu'il y avait à l'époque. Oh, donc voilà, et j'essaye de mater le canton d'Eos, mais ils sont coriaces, ces connards. Donc voilà. Et pourtant, c'est un vassal à moi, mais ils refusent quand même de m'obéir parce qu'ils sont pas d'accord avec les lois que j'ai mis en place. Donc non, voilà, je suis un... J'adore les jeux de gestion, c'est mon péché mignon. Et après cet aveu, je pense qu'on va terminer cette grande émission. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission d'une heure quarante. Ouais, ben... Déjà, on est quatre. Tout expliquer forcément. Tout. Oui, aussi. Quand on fait les émissions à deux ou à trois, on a moins de temps. Enfin, on a moins de choses à raconter. On est moins nombreux. C'est sûr. Là. C'est sûr. Et ben voilà. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. Je suis sûr que nos indispensables vont peut-être étonner certains ou choquer d'autres, ou certaines révélations, comme certaines personnes qui n'ont pas vu le sixième sens, vont choquer d'autres également. Donc voilà. Ah, t'as pas lu FMA, quoi. Bon, non, mais voilà. Ça n'a rien à voir. Le sixième sens, quand même, il a... Alors, oui, je ne les ai pas lus. Mais Monsieur Dorothy n'a pas vu le sixième sens, quand même. Frappez-le. Je vous enverrai en MP son adresse sans aucun problème. Je pense qu'il faudrait faire un sondage pour savoir qu'est-ce qui est le plus choquant. Hein. Eh bien, écoute, je m'amuserai peut-être à le faire un jour sur Twitter et sur Instagram. Ah, peut-être d'ici vendredi, au moment où l'émission sortira. Allez. Sur ce, merci d'avoir participé à cette émission. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée et une bonne soirée. Très, très bientôt. Bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.